Faucon Millenium vous est présenté par le fabricant de droïdes Calrissian Enterprises. Bénéficiez de 50% de réduction sur les droïdes BX-778 avec le code FauconPod. Calrissian Enterprises, les droïdes les plus chauds de ta bordure extérieure. Hé, hey, pose ça, tu veux, non? Hé hey hey, c'est mon dîner! Hé, hey, me sors de là! Non! Hey, t'aurais pu tout casser! Ne fais pas ça! Oh. Hey, tu fous la merde partout! Hé! Hey. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faucon Millenial, le podcast qui fout la merde partout. Je suis Grushkov et je serai votre pilote aujourd'hui, accompagné comme à chaque fois de mon équipage composé de Tuki. Salut. Matt. Salut. Et Ximnut. Coucou. Et après un épisode consacré au cosplay, on reste un petit peu dans le thème avec notre invité Vesper. Bonsoir Vesper. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, Vesper? Oh là, dans la vraie vie véritable? Non, dans la vie de l'internet. Ah, dans la vie de l'internet, je parle de pop culture. Oui. Et ma légitimité ce soir, c'est que j'ai le faucon Millenium tatoué sur le bras. Nice. Ce qui est beaucoup plus de légitimité que nous tous. Bah ouais. Bon bah, tu deviens la directrice du podcast. Ah, très bien. Finesse, il va y avoir de l'ordre maintenant, c'est bon. Ceci dit, moi j'ai un faucon Millenium sur un slip. Est-ce que ça compte? C'est pas mal, ça compte un peu. On veut la photo. Et du coup, cette semaine, tu es là, Vesper, avec nous, et on va s'attaquer au Star Wars considéré comme le meilleur par de nombreux fans. Et il me semble que c'est ton préféré aussi, je sais plus. Oui, c'est aussi mon préféré. Voilà, l'Empire contre-attaque. On y est enfin. Ouais. Ouais. Donc justement, tu dis, je t'avais entendu dans un podcast de 3 heures par Flaubert, je crois. Oui, un podcast de Flaubert, oui. Ouais, justement, c'était là que j'avais entendu que c'était ton préféré. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de pourquoi tu l'aimes autant, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Bon, après, pour parler de celui-là, comme c'est un peu le préféré de 99% de la planète, pas non plus. Je vais pas avancer des raisons folles, hein. Mais effectivement, à mes yeux, c'est un des mieux réalisés. Il a des scènes iconique, fantastique, et voilà, Harrison Ford, l'homme de ma vie, forcément, et Anne et Leia, ça prend une très belle tournure, les dialogues sont fantastiques, les scènes sont très belles, j'adore Bespin, j'aime tout. C'est bien, t'as parlé un petit peu de tout ce dont on va parler dans le truc, c'est parfait. et les autres personnes de l'équipe, alors, qu'est-ce que vous en pensez de celui-là? Ah ben non, moi c'est vrai que ce sera peut-être un classement qui sera remis en cause avec le revisionnage, mais c'est vrai que pendant longtemps, moi pareil, c'était mon préféré. Voilà, les scènes, pareil, des scènes d'anthologie quand même, le quadripode comme on disait à l'époque, avant que je commence à connaître un peu la terminologie, voilà, c'était quand même un truc assez ouf. Et puis voilà le moment où j'ai presque l'impression que voilà, tout l'épisode 4, c'est juste presque une introduction pour vraiment la mise en place dans le 5 avec, voilà, Vador, tout ça, la relation avec Luke, c'est vraiment assez ouf. Et puis, justement, le fait que vraiment de la grande science-fiction avec c'est ce moment-là où même, justement, je trouve que les enjeux sont encore plus grands. Que dans le 4, même si, voilà, pour le coup, on détruit l'étoile noire, j'ai l'impression que pour les personnages, c'est vraiment le moment où ils prennent leur importance. Donc, c'est vraiment voilà l'épisode qui m'a toujours mis plein la vue. Donc, d'ailleurs, j'étais content encore une fois. J'ai toujours ce ça m'a toujours fait flipper, voilà, de les revoir. Je me dis, peut-être que je m'étais un petit peu enflammé, mais voilà, encore une fois, le film, il est au niveau des attentes que j'avais. C'est toujours aussi bon de le revoir. Donc, pareil, ouais, non, pareil que Vesper. C'est beau ce que tu dis. et toi, tu qui? Ouais, moi, j'aime beaucoup. Merci. Bon, ben, je suis désolé pour toi, Matt. Attends-toi. Bah moi, pendant longtemps, c'était pas mon préféré. Parce que j'étais gamin et je préférais le Retour du Jedi, forcément. Plus action, tout ça. Et puis avec le recul, maintenant, non, c'est vrai que c'est un de mes préférés, forcément, depuis il y en a eu un autre. mais c'est un de mes préférés, même si pendant longtemps, enfin, j'ai trouvé qu'il avait, enfin, avec mon œil d'enfant, peut-être, j'ai trouvé qu'il y avait certaines longueurs, par moment, c'était un petit peu trop. Pas mou, hein, mais un peu trop lent pour moi, peut-être, à l'époque. Mais avec le recul, c'est vrai que c'est un de mes préférés. Et justement aussi parce qu'il... contrairement au précédent, il se resserre un peu justement sur les personnages. Et c'est plutôt... Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Ok, et du coup, moi, il reste toujours dans mes préférés aussi, hein, comme la plupart des gens. Comme tout le monde ici. Comment? Comme tout le monde ici, du coup. Ouais, c'est ça. Bah, c'est-à-dire que c'est difficile de faire aussi bien. Et justement, ce que j'aime beaucoup avec celui-là, c'est qu'il n'est pas réalisé par George Lucas. Et ça se voit dès le début du film. Mais écoute, on est tous là pour dire que oui, bon... On est tous d'accord. Ouais, voilà. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On vient pas casser du sucre sur George Lucas, mais bon, je veux dire, c'est pas le plus grand réalisateur de tous les temps. Il a super bien réussi. C'est-à-dire que pour l'épisode 4, il était parfait parce que le film était très bien avec son côté très classique dans sa manière de faire et tout. Mais voilà, il a fait venir Irvin Kershner pour celui-là et ils ont vraiment fait des trucs super. C'est-à-dire que voilà, au niveau des images, il y a vraiment un truc magnifique. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'il y a vraiment plein de plans qui sont superbes, qui même maintenant font faire waouh. C'est vrai que ça claque un peu, hein, quand même. C'est vrai que le côté justement un peu académique du 4 est un peu passé à la trappe. Là, on a des caméras qui bougent et tout. On garde quand même le côté majestueux, notamment dans les plans dans l'espace. Mais c'est vrai que les plans sur Terre, justement avec les personnages, là pour le coup, ils gagnent en pêche et ils restent quand même magnifiques. Donc non, je suis d'accord avec toi. Du coup, un petit truc, moi par exemple, un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé dans le film, c'est quand le faucon il est caché derrière, enfin contre le Star Destroyer de l'Empire, les plans qui sont dans le cockpit entre Han et Leia sont débulés. Donc débulés, c'est-à-dire que c'est pas droit par rapport au sol. Pour les gens qui savent pas ce que c'est. Et à la seconde où le faucon se détache, ça se fait pas d'un plan à l'autre, dans le même plan, il reste, il passe de débulé à droit. Mmh. Le plan, et je trouve ça vraiment cool parce que c'est rien, mais c'est le genre de petits détails qui font vraiment plaisir à voir dans la cinématographie du film, qui a vraiment qui bouge beaucoup plus principalement pendant les moments de bataille et tout, de poursuite dans l'espace, comme tu disais, Ximut. Non, ouais, pareil, moi le truc qui m'a fait c'est peut-être justement le fait de les revoir les films à la suite, ça permet de dresser des parallèles. Et un truc qui m'a frappé notamment, moi, c'est dans la scène de la bataille de Hoth. La première fois on voit les TBTT qui arrivent, on a ce plan avec ce panning vers le haut où d'abord le personnage regarde au loin avec ces espèces de jumelles, ces jumelles de l'espace, et il voit juste les pieds du truc. Et ensuite justement il monte justement pour montrer l'ampleur du marcheur ou quelque chose comme ça, Et c'est un truc qu'on voyait déjà mais qui avait été repris dans Rogue One. Et je me souviens que dans Rogue One, on avait parlé du fait qu'ils font plein de citations visuelles aux autres films, mais c'est juste un exemple parmi d'autres de voilà justement de dommages qu'on voit aussi dans la post-logie qui reprennent certains éléments justement des films anciens. Donc ça montre qu'il avait déjà le film avait déjà eu des bonnes idées qu'ils ont essayé de reprendre après. Ouais, d'ailleurs justement quand tu parles de Rogue One qui fait des citations visuelles, justement il y a le plan quand ils sont en train d'assembler l'étoile de la mort dans Rogue One, il est complètement repris de quand ils ont dans l'Empire contre-attaque quand ils dévoilent le super Star Destroyer de Vador avec les plans de la flotte autour qui est de plus en plus de dans l'ombre du super Star Destroyer. Ouais, ça j'ai remarqué effectivement, c'était un petit décalque, c'est très cool. Et est-ce que vous il y a des plans comme ça que vous aimez vraiment beaucoup dans le film, qu'est-ce que vous lesquels vous marquent le plus, lesquels vous trouvez les plus réussis par exemple? Oh, attends, je regarde les notes que j'ai pris. Moi la plupart ça va être vers la fin, je pense. Et pareil, vers la fin surtout. Tout ce qui est à partir de la cité des nuages, ça devient fou. En fait, de façon générale, je trouve que la lumière et les plans deviennent assez maboule à partir de la cité des nuages. Ouais, le truc de Luke accroché à son antenne et tout, ça m'avait toujours marqué dans le film. C'est un des trucs dont je me souviens le mieux, tout le passage en fait dans les tuyaux entre guillemets de Bespin jusqu'à ce qu'il tombe au-dessus des nuages accroché à sa petite barre en ferraille là. Moi perso c'est oh, vas-y pardon, non c'est moi alors moi dans les scènes que j'avais vraiment kiffé dans les notes que j'ai pris, c'est Dagobah, l'ambiance justement marécageuse avec la brume, je trouve ça complètement ouf de se dire que ça a été fait dans un... Alors, peut-être que je me plante. Est-ce que ça a tout été fait dans un studio? Oui. Ils avaient même ramené des serpents et plein de bestioles comme ça. Ça coûtait une blinde. Bah ouais, non, moi, je trouve ça ouf parce que moi, je m'y vois complètement. Et d'ailleurs, anecdote personnelle, j'étais allé voir une expo il y a super longtemps. Je crois que c'était à la Cité des Sciences à Paris. Je crois qu'un de mes trucs que j'avais le plus kiffé, c'était, je sais pas si vous l'aviez vu vous-même. Je crois que c'était début des années 2000. Ça vous dit quelque chose? Moi, j'en avais fait une, mais c'était peut-être 2011. Là, j'étais vraiment tout gamin, donc c'était vraiment début 2000 et tout, donc c'était trop kiffant. Il y avait je me souviens, il y avait le podresseur d'Anakin et tout, il y avait le vaisseau des Naboo, le chasseur Naboo, et une de mes salles préférées, c'était justement une salle où on était ils avaient un peu reproduit la scène de Dagobah. Il y avait une espèce de genre de détecteur de mouvement. Et on faisait genre qu'on faisait ressortir le vaisseau en bougeant son bras à la manière de Luke. On faisait ressortir son X-Wing comme dans la scène du film. Et je me souviens que j'avais vraiment trop kiffé ce moment. Et voilà, c'était encore plus important vu que c'était un des environnements préférés du film pour moi. Ouais. Mais en plus, il y a eu plein de dépassements de budget sur Dagobah. J'allais dire, en fait, Dagobah, ils l'ont fait en studio parce que le set était surélevé pour que Francoz puisse passer en dessous pour faire bouger Yoda, en fait. Toutes les scènes où tu vois Luke et Yoda, t'as Francoz qui est en dessous du sol en train de manipuler Yoda. C'est un marécage sur une plateforme dans un studio. Voilà, surélevé. C'est complètement ouf. Mais voilà, ça vaut tout le pognon qu'ils ont dépensé parce que l'ambiance est ouf. Ouais, l'ambiance est super ouf. Il y a juste deux, trois trucs qui ont un peu vieilli où tu vois la différence dessin et incrustation. Mais l'ambiance est vachement cool sur Dagobah. Puis Yoda, il est hilarant. C'est marrant. Moi, Yoda, il me faisait faire des cauchemars quand j'étais petit. Des fois, quand j'étais petit, c'est une nuit sur deux, c'était E.T. ou Yoda, quoi. Donc, Moi, quand j'étais petit, il me faisait trop flipper. Ah bah c'est sûr qu'il a pas ce côté smooth de la special edition, donc mais ça fait quand même encore illusion, moi je trouve, même maintenant. Oui, elle marche super bien, sa marionnette. dans le genre plan iconique aussi, il y a la chambre de congélation carbonique. Oui, c'est ce que je voulais citer tout à l'heure, du coup. Ouais. C'est pas mon plan chouchou. Parce que là, vraiment, que la lumière, c'est juste magnifique. Enfin, les différents éléments qui sont éclairés. puis quand t'as Vador et Luke qui se toisent du regard, on va dire, et chacun avec leur sabre allumé, là on a un plan qui est juste magnifique. Non, ouais, je vois complètement lequel avec les fumées, avec la lumière, avec les lumières rouges, oranges et un peu de bleu, enfin c'est assez ouf. Ah ouais, que ce soit le moment où Anne se fait cryogéniser ou le moment où Vador est face à Luke, les deux marchent de ouf. Hein. Il y a une super ambiance, t'es vachement pris dedans. Non, la lumière est dingue. Ouais. Non mais ouais, voilà. Est-ce que Vesper a des choses plus intéressantes à dire que non mais ouais? Bah écoutez, ça y est, tout a déjà été dit, effectivement. Moi, c'était vraiment le bleu, l'orange, ça marche toujours du tonnerre. Hein. C'est classique mais efficace. Mais... Mm-hmm. C'est superbe, ça rend vraiment le moment un peu hors du temps, quoi. C'est très très beau. Et après Bespin en général, enfin tous les plans qui présentent la planète, enfin de par son concept, c'est assez stylé. Donc du coup forcément quand on voit un peu la représentation de tout ça, ça a été vraiment assez bien mis en valeur et ça a pas vieilli d'un poil, quoi. Non non, c'est clair. Le pire c'est que t'as vraiment j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas possible. Il y a des matte paintings qui sont magnifiques du Faucon, voilà. Sur les plateformes, tout ça. Enfin. Ouais, je voulais parler justement. Voilà, c'était ça. Après, il y a des dessins qui prennent pratiquement tout l'écran, mais tu le remarques même pas tellement tout est bien fait, tout est bien. Et qui rendent d'ailleurs mieux que les rajouts de l'édition spéciale. Ah, les rajouts sont dégueulasses. Hein, c'est horrible. J'ai pas de souvenir. Autant je me souviens d'un rajout moche dans l'épisode 4, celui-ci. Ouais. Vous en avez en tête des scènes en particulier? Au moment où Lando ordonne l'évacuation, on a un plan de l'extérieur de la cité des nuages et ça fait un peu. Ouais, ça se voit que c'est de la CGI et ça bave un peu en plus à cause de la résolution. Ouais, on les regarde par la fenêtre aussi. Pour le coup, j'ai revu, du coup, il y a une heure à peine. Et ouais. ça m'a ressauté aux yeux. C'est vraiment laid. J'ai pas eu l'occasion de re-regarder la Despecialized et du coup, effectivement, j'avais surtout des souvenirs de plans de l'épisode 4 qui étaient moches, mais là, ouais, le 5, il y a encore des petits trucs. Ouais, c'est vrai que quand on voit la cité des nuages de loin, tu te dis, ouais, ça marche. Et puis après, tu vois Leia à la fenêtre et t'es genre, mais attends, mais elle est pas penché comme il faudrait. Ils ont pas fait la perspective, en fait. Pourquoi elle a l'air plate et oblique? Non, là, c'est je la vois complètement, ouais. Surtout cette séquence-là, ils ont. Mais je crois que pareil, l'arrivée du faucon dans la cité a été rajoutée aussi en 97. Oh. Ça m'a pas choqué, moi, ça, par contre. J'ai noté que comme pour le 4, avec les nouvelles résolutions qu'on a de télé et tout maintenant, on voit certains détourages de TIE Fighter. Quand ils sont dans l'espace, tu vois les carrés gris foncé qui, du coup, se détachent sur le noir quand ils avancent. Et je fais « Ah, merde !» C'est dommage. Je dois pas avoir une assez bonne télé. Voilà. C'est mieux, c'est de la chance. Ça, tu peux voir tranquillement. Tu vois pas des carrés autour des TIE Fighter en te disant « Oups, petit problème de colorimétrie. » D'ailleurs, là, je rebondis sur le fait qu'il y avait Franck Oz. Du coup, je retourne très loin en arrière, mais c'est vrai que du coup, comme il y avait un nouveau réalisateur, il y avait aussi des bien meilleures performances d'acteurs, surtout de la part de Mark Hamill, parce que bon, Harrison Ford, on va pas lui donner des cours. Qu'il maîtrisait déjà son truc et Gary Fisher aussi, mais c'est vrai que un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé revoir dans le film, c'était vraiment la relation de Han et Leia qui était ils marchent vraiment super bien tous les deux ensemble, Harrison et Carrie, c'est assez ouf. Est-ce qu'en VO Han Solo est aussi insupportable qu'en VF? Ouais, enfin c'est le personnage, quoi. Ah ouais, non, moi je me souvenais pas que c'était un connard à ce point-là. Non, franchement, je savais qu'il avait toujours eu ce côté, voilà, bad boy, mais pas le bad boy qu'on aime bien. Franchement, il est vraiment vraiment lourd et tout. Super lourd avec elle tout le long. Hein. Oui, leur relation est un petit peu peu cringe aussi parfois, t'es genre Ah bah avec le regard de 2019, c'est très gênant, hein, mais bon, comme beaucoup de monde d'Harrison Ford en vrai. Bah en fait après tu vois Anakin et tu fais ouais, ok. Ouais, non, c'est vrai, mais voilà, je dirais qu'il a, voilà, c'est pas un problème de VF pour le coup cette fois. En VF, il casse des bons cœurs par-ci, enfin tout le temps, quoi. Ça c'est. Ouais, ouais. Tais-toi, arrête. Enfin, pourquoi t'as besoin d'être comme ça? En fait, en anglais, tu vois qu'ils ont essayé de faire le trope qui est beaucoup trop présent même de nos jours dans la vraie vie, du gars qui ouais mais tu vois il est un peu chiant avec elle parce qu'il est amoureux mais en vrai il a un bon cœur et il essaye de l'aider, tu vois, et t'es genre ça fait pas une relation saine si le mec il te harcèle en fait. Han Solo c'est le mec qui balancerait des yaourts sur la tronche à la cantine. Ouais c'est ça. Non mais fais ça parce qu'il t'aime. Il te boulie à l'école, tu sais, mais il monte toute la classe contre toi, puis après au fait tu sais il était amoureux de toi, c'est pour ça qu'il nous disait de te détester. Mais le truc aussi, c'est que justement, finalement, y a presque un truc. Je trouve pas le mot exactement. Mais voilà, le mec arrive pas à dire ce qu'il ressent, donc il essaie de le faire dire aux autres, en fait. Parce que ouais. c'est complètement. Enfin voilà, il arrête pas, notamment. Je me souviens dans cette planète sur Hoth, au tout début, il dit ah vous êtes triste que je vais partir et tout, mais non c'est lui qui est triste, mais il arrive pas à le dire donc il veut le faire dire aux autres. Le mec il peut vraiment pas admettre ce qu'il ressent et donc c'est vrai que comme disait Vesper en 2019 ça passe peut-être un peu moins bien. Son fils lui ressemble beaucoup pour le coup. Non c'est pas moi qui suis amoureux de toi hein, c'est toi. ils sont là ouais vas-y mais toi d'abord. Je suis sûre que tu veux faire des bisous. Je préfère embrasser ton Wookie. Bah, ok. Bah, vas-y. Il va arranger un en fait, il est super triste. Mais qui part pleurer dans son cockpit, tu sais. Connard de Chewbacca. Elle embrasse tout le monde sauf moi. Mais du coup, Vesper, qu'est-ce que ça faisait de revoir ça? Toi qui es marié, je crois, à Harrison Ford, c'est ça? C'est ça, marié, oui. J'ai carrément une PLV d'Harrison Ford en Han Solo dans mon appartement, c'est dire. Une PLV. Alors après, j'ai pas l'effet revoir, étant donné que je regarde l'Empire contre-attaque peut-être deux fois par an, tous les ans depuis l'été, enfin voilà, depuis que le monde est monde. Donc j'ai pas le côté, j'ai pas le décalage. Il est, on va dire, venu au fur et à mesure en grandissant, mais. Ça m'a pas sauté au visage comme ça après un rewatch après 10 ans d'absence, mais effectivement j'arrive quand même à me détacher. Enfin, il faut à chaque fois recontextualiser. On parle d'une œuvre qui a débuté dans les années 70 avec un raisonnement totalement différent, donc je le vis pas si mal que ça, quoi. Bah, ce qui est marrant, c'est que moi, justement, ça faisait un bout de temps que je l'avais pas vu, parce qu'il me semble que je l'avais pas revu depuis 2015 ou un truc comme ça, ou 2016. Et je m'attendais vraiment à pire au final. Je m'attendais vraiment parce que alors moi, voilà, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans le podcast, mais voilà, je le recontextualise pour Vesper, c'est que avant, moi, j'aimais pas Han Solo. j'ai commencé à bien l'aimer quand il est mort, en fait. C'est horrible, mais c'est à ce moment-là où je me suis dit mais attends, mais peut-être que j'avais mal vu le personnage avant. En fait, j'ai trouvé qu'il était tellement bien géré dans l'épisode 7, en fait, au niveau de sa psychologie, tout ça, de son rapport avec tout le monde, que ça m'a fait revoir les nouveaux films d'un autre œil, et du coup je le trouvais beaucoup plus chiant avant, en fait, que maintenant. En revoyant, je le trouvais limite un peu touchant, parce que il est vraiment nul. Il sait pas faire les choses, c'est horrible. C'est pareil pour moi, en fait. Avant, je trouvais, justement, je comprenais pas les gens qui étaient à fond sur Han et Leia, parce que je me disais, en fait, le mec il la harcèle jusqu'à ce qu'elle cède, c'est chaud. Ah. Et pareil, Han, c'est pas du tout un personnage auquel j'avais accroché jusqu'au 7, où là je l'ai adoré dans le film. Et puis après, en revoyant en fait le 4 et le 5, je l'ai trouvé beaucoup plus attachant et beaucoup plus drôle, parce que justement, peut-être que quand je l'ai vu à l'époque, je l'ai pris trop premier degré, alors que quand tu le regardes en disant que le mec c'est juste un paumé qui essaye de se donner un genre, c'est beaucoup plus drôle. Et du coup, bah là dans le 5, je l'ai trouvé moins lourd que je le trouvais avant, justement, notamment avec Leia. Je disais, ouais, il est méga maladroit et tout. Mais quand tu regardes, ils ont quand même un truc qui marche entre eux. C'est pas comme si elle, elle le repoussait tout le temps non plus. C'est maladroit. Il permet d'être odieux parce qu'il sait et parce que ça se voit que c'est réciproque, en fait. Oui, ouais. C'est ça. Alors qu'au début, je l'avais pas vu comme ça il y a longtemps quand j'avais regardé le film. Mais là, quand je l'ai regardé, je l'ai justement vu en me disant, ouais, non, en fait, il joue au chat à la souris. Un coup, c'est elle qui le cherche. Un coup, c'est lui. Et du coup, ça marche beaucoup mieux. Mmh. Et puis, ils ont les meilleures répliques. Enfin, vraiment, elles sont... Oui, c'est ce que je disais. En anglais ou en français. C'est ce que je disais à Grushkov hier, je fais les deux, ils vont tellement bien ensemble parce qu'ils se passent leur temps à s'envoyer chier proprement, c'est merveilleux. Ils ont vraiment des sacrés punchlines et ils répondent à chaque fois au tac au tac, c'est impressionnant. Ouais. Ouais. Déjà dans le 4, c'était comme ça et c'était merveilleux. C'est eux qui ont les meilleures répliques à chaque fois. Ouais, mais d'ailleurs, c'est un truc qui manque dans le film d'après, je trouve, mais on en parlera quand on en sera au film d'après. Bah justement, en fait, non, moi, je vais éviter de trop m'étendre sur le 6, mais justement, c'est peut-être un truc qui me faisait peut-être l'excuser quelque part, parce que c'est vrai que visiblement, ça ressemble, je sais pas, moi, ça m'a pas sauté aux yeux que c'était forcément, que le mec savait que c'était réciproque. Pour moi, c'était surtout de la maladresse. Et justement, je trouve qu'il a ce côté honnête qui, dans le 6, qui montre qu'en fait, c'était juste qu'il savait pas bien comment gérer ça. Parce que le mec c'est notamment expliqué dans Rogue One, le mec, en faire confiance aux gens. Donc, tu veux dire Solo? Oui, je parle de Solo, voilà. Dans Solo, voilà, on voit qu'il a vraiment été blessé. Donc, depuis, il se fait une coquille et, là, il est pour la première fois, il revient dans cette espèce d'état d'esprit. Il sait plus trop comment ça marche. Donc, dans l'épisode 5, il est vraiment maladroit. Mais dans le 6, comme il a enfin réussi à sortir de cette coquille, pour le coup, il commence à être honnête. Et là, je trouve qu'il commençait à avoir un côté touchant, même avant qu'on commence à... Je trouvais que justement que le développement psychologique arrivait même avant le 7. C'était vraiment dans le 6 qu'il commençait à avoir ce côté un peu plus sympa. Mmh. Ok, d'accord. Mais après, c'était la vision, voilà. Est-ce que ça va là pour Anneleia? Vous avez d'autres... Ah oui, non, un autre truc que j'ai noté, c'est que non seulement ils marchent bien tous les deux, mais ces 3 PO, c'est... Jusqu'ici, je pense son meilleur film aussi. Hein. Le pire, c'est qu'en gros, il se faire dire ta gueule tout le temps. Bah ouais, c'est peut-être pour ça là que dans le 9, là, il commence à en avoir marre. Mec, il va se mettre à vouloir buter tout le monde, tu sais. Bah ouais. J'avais oublié qu'à un moment, les gars, ils l'éteignaient carrément comme ça pendant en plein milieu d'une phrase. Oui, d'ailleurs, à ce moment-là, tu m'as dit, oh, Anne, il a une mauvaise influence sur elle. Oui. Il ne rêverait pas de faire ça avec une vraie personne. Grave. Ouais, ouh. Mais déjà, moi, avec moi-même. Mais non, c'est vrai que, ouais, ils arrivent à faire un personnage, ils arrivent à faire un personnage rigolo qui devient pas lourd, donc, non, ça, on aime toujours autant ces 3 PO. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que dans ce film-là, c'est lui qui commence en rassurant R2, alors que d'habitude c'est toujours lui le mec paniqué qui pense que c'est la fin du monde dès qu'il y a un truc qui va de travers, et puis là, il fait non mais t'en fais pas, ils vont s'en sortir, tout ça. Et du coup, c'est intéressant parce que tout le monde autour est en train de paniquer. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour sur cela? Parce que là, on va parler un peu de Luc, Marc Hamill, Francoz, tout ça qui est assez intéressant d'ailleurs. Justement, c'est que sur Dagobah, Marc Hamill, il entendait pas Francoz qui lui donnait la réplique, donc c'est comme s'il jouait vraiment tout seul. Ouais, c'est un truc que j'ai regardé la semaine dernière, des petits bouts de making of du film, et en fait ils entendaient pas ce que disait Francoz en dessous du set, comme en... Ah, il parlait quand même mais il entendait pas, alors il était genre là, ouais. Tu sais, lui il était crabouillé par terre sous le set, et puis en train de faire bouger Yoda et tout, il faisait ses répliques, mais du coup c'était Hamill qui devait faire le truc sur de tête, quoi. Ouais, il devait avoir le timing. Ouais, ouais. Et ça fait partie de ses meilleures performances. Est-ce que au final, est-ce que Mark Hamill devrait pas jouer tout seul toutes ces scènes? Mais qu'il est fait pour jouer des monologues. À chaque fois qu'il est isolé, c'est là où il joue le mieux. Hein. Avec le temps, quand même, il s'est amélioré. Hein. Non, mais c'est clair. Bah, surtout, mais déjà là, entre celui-là et celui d'avant, il y a une énorme amélioration. Même si je trouve pas qu'il est nul dans celui d'avant, il y a quand même. Enfin, c'est pas George Lucas qui dirige. Ouais. D'ailleurs, il y avait une super interview de Irving Kirchner où il expliquait un peu comment les trois, Harrison Ford, Carrie et Mark fonctionnaient et tout, et comment il adaptait sa façon de les diriger en fonction de leur personnalité, en fait. C'est super intéressant. Que Mark, par exemple, il veut tout le temps faire de son mieux. Du coup, tu vas lui donner un objectif, il va le faire. Et puis voilà, c'est vraiment le gars qui fait son boulot du premier coup. Harrison Ford qui joue super bien, mais qui va se poser lui-même des problèmes dans son propre jeu et va essayer de résoudre les problèmes qui se provoquent lui-même pour pouvoir donner une meilleure performance. Ce qui est vachement intéressant. Et il parlait de Carrie Fisher, de faire plaisir au réalisateur, et qu'il lui disait plutôt de suivre son instinct à elle et de faire ce qui lui faisait plaisir à elle, ce qu'elle pensait être juste, plutôt que d'essayer de chercher ce que les autres attendaient d'elle. Voilà. C'est mignon. Énorme parenthèse, désolé. Oui, vu qu'on parlait de Luke, du coup, moi je voulais dire, un des trucs qui change beaucoup aussi, c'est qu'il a eu un accident entre le 4 et le 5, et ça lui a totalement changé son visage. Je sais pas si vous avez revu le 4 et le 5 assez proche, mais il a pas du tout la même tête dans les deux. Et je trouve que ça change bien aussi, parce que vraiment dans le 4, il a cette tronche de petit premier chouineur, etc. Alors que dans le 5, ça lui donne un air plus sérieux, plus mature, et je préfère, et c'est la tête qu'il a gardé à vie et qu'il a en tant que personne âgée maintenant. Et je préfère ce visage-là, je trouve que, enfin, je sais pas, ça lui donne un truc plus sérieux, et ça fait vraiment, il avait une tête à claque dans le 4, je trouve. Donc c'est triste qu'il ait eu son accident, mais au final ça lui a donné son visage mythique du 6 quand il est face à Vador habillé tout en noir et tout, et ça aurait pas fait pareil, je pense, s'il avait eu toujours son nez tout droit et sa petite tête de beau gosse du lycée là. J'avais pas trop remarqué, moi perso, je pensais que déjà c'est peut-être le fait qu'il soit plus décoiffé. Sauf quand il sort le 4 et le 5 aussi, j'avoue, sauf quand évidemment je regarde le Holiday Special, mais parce que ouais, j'avais entendu que dans le Holiday Special il est complètement inexpressif à cause de l'accident, mais c'est vrai que j'ai pas fait attention, peut-être pas fait assez gaffe. Dans le Holiday Special, il y a d'autres trucs qui t'ont traumatisé, donc ça a détourné l'attention du visage de Mark Hamill. J'imagine. Mais j'ai jamais vu, faudrait que je regarde. Oh là là, mais il faut réparer ça, hein. Oui. Faut qu'on fasse ça exprès pour épisode. Noël. Non, moi j'ai vu des bouts, mais j'ai jamais eu la force de le regarder en entier. Mais... C'est dur. Est-ce que quelqu'un voulait rebondir? C'est vrai que il a quand même ce côté. Alors moi j'avais mis ça sur le compte du jeu, et puis peut-être le fait qu'il passe une bonne partie du film à être avec son espèce de débardeur là, qui lui donne un côté un peu plus badass. C'était je sais pas si c'est ça qui lui donnait, alors que là il était toujours dans son espèce de polo Ralph Lauren de l'espace. ça lui donnait un côté plus propre, là pour le coup là il fait un peu plus dur à cuire. Mais c'est peut-être ce fameux truc de visage que j'ai pas vraiment fait attention. Il a vraiment des meilleures tenues, hein, Luc, dans ce film là que dans aussi, celui d'avant. Ouais. Voilà, on s'en fout, mais c'est vrai qu'il était bien habillé. Un truc qui était intéressant aussi, que j'avais noté, c'est que on va parler vite fait des trucs plus récents, mais c'est vrai que ces dernières depuis fin 2017, il y a beaucoup de gens qui prennent beaucoup tout ce que dit Mark Hamill comme parole d'évangile, ce qui parfois peut poser des problèmes, surtout auprès des fans. Et il y a un truc qui est, et je le savais pas avant, et j'ai découvert ça cette année, c'est que est-ce que vous saviez, vous, que Mark Hamill n'était pas du tout d'accord avec comment était Luke dans l'Empire contre-attaque? Non, c'est toi qui en a parlé la première fois. On a parlé en fait. Comment ? Je l'ai vu quand il en a parlé. Ouais, c'est ça. Il en a reparlé. Il y avait pas longtemps. Je sais plus quand, mais ouais, il avait dit. Ça m'a fait rire parce que j'ai pris la quote où il avait dit bon bah ok, je vais faire comme tu veux, mais je suis pas d'accord avec toi et je pense que t'as tort. Il avait dit ça à Irving Kerfner. Je trouve ça assez intéressant de voir qu'en fait ses meilleures performances, il les donne quand il est pas d'accord avec le. Est-ce que les gens font de son personnage ? Ça me faisait trop rire. Est-ce qu'il faut pas le challenger pour qu'il joue bien ? Parce que c'est vrai que moi, j'aime vraiment beaucoup tout ce qui se passe sur Dagobah. Il est vraiment, vraiment touchant. Alors que il fait encore son petit bonhomme Schwiner qui baisse les bras dès qu'il y a un obstacle. Et puis, un truc, justement, là, pour le coup, je viens de retrouver mes notes. C'est pour moi, la scène sur Dagobah, ça aurait pu complètement se foirer dans le sens que c'est comme Chewbacca dans l'épisode 4, je veux dire. C'est toute une scène où le mec est tout seul à parler avec une marionnette. Ça aurait pu être complètement kitsch, complètement foiré ou à la limite mal vieillir. Et c'est assez fou de voir à quel point ça marche bien. Au final, Luke est aussi frustré que Mark Hamill. Au final, peut-être que c'était ça. Ah oui, il met la rage dans son jeu, en fait. mais c'est assez impressionnant. Et même, on en parlait vite fait, mais même Yoda, il est super expressif dans le film, c'est toujours un plaisir de le revoir là en marionnette. Je trouve qu'il est plus expressif en marionnette qu'il peut l'être dans l'épisode 3, même si les CGI de l'épisode 3 de Yoda sont plutôt réussis par rapport au reste. Je suis d'accord avec toi sur le visage. C'est vrai que l'épisode, la prélogie, il fait des mouvements, voilà, il fait des petits sauts périlleux et tout. Mais c'est vrai qu'au niveau du visage, je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Après, parce qu'il a un côté beaucoup plus cartoon aussi dans l'Empire contre-attaque, contrairement à la prélogie. Ouais. Ouais, il a des petites expressions, il fait des grimaces, et donc on s'en rend un peu plus compte, j'ai l'impression. Il fait beaucoup de grimaces, ouais. C'est vraiment cool à revoir Yoda, je trouvais. Il y a des moments où il fait flipper, effectivement. Tu sais, quand t'as un close-up sur son visage où il ouvre grand les yeux. Oh, qu'est-ce que bon, tu il se pète la gueule. Ah non, ça oui. Oui. Qu'est-ce que t'as mis dans ta soupe de racines, Yoda ? Donc, je voulais parler un petit peu de la force et de l'explication de la force de Yoda, parce que moi, c'est ma scène préférée du film. Mais j'aime beaucoup le fait que Luke, il arrive presque à soulever le vaisseau, et puis finalement, il n'y arrive pas parce que c'est un Skywalker et qu'ils abandonnent dès qu'il y a un petit truc devant eux. Le salaud. Mais c'est le trait de famille. J'aime bien comment tu le dis. J'aime beaucoup parce que les gens qui... Il y a beaucoup de gens qui ont encore un peu de mal avec la force parce que c'est vrai que c'est très mystique, tout ça. Mais j'adore comment il l'explique parce qu'au final, la force, c'est pas forcément un truc qui c'est doit pas un truc être de combattant défini, en fait. Vraiment. Ouais, c'est ça, c'est pas un truc d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il lui dit que c'est jamais pour attaquer et qu'est-ce qu'il fait dès qu'il arrive vers Vador, c'est lui qui attaque en premier et oui. Tout ça, il écoute vraiment rien. Mais j'aime beaucoup le fait que quand Yoda fait sortir le vaisseau et Luke il va le voir et fait ouais mais j'arrive pas à y croire et puis il fait bah ouais mais c'est pour ça que tu y arrives pas et je pense que beaucoup de choses de la post-logique, les gens ont du mal à accepter. En fait, s'ils revenaient et qu'ils réécoutaient Yoda qui disait ça, ils comprendraient que ah ouais, mais peut-être qu'en fait, si tel personnage arrive aussi bien entre guillemets à faire certaines choses, c'est parce que ce personnage-là, il a littéralement baigné dans ce genre d'histoire et tout, et du coup, c'est beaucoup plus facile de croire en quelque chose dont tu as entendu parler toute ta vie, que Luke, qui, lui, n'en avait jamais entendu parler. Du coup, il faut qu'il désapprenne tout ce qu'il avait appris dans sa vie. Quoi. Aussi, Luke, c'est quelqu'un qui baisse plutôt pas mal les bras. Dans le 4, c'est un gros chouin-chouin. Il passe son temps à « mais moi, je voulais faire ça et tout », alors que bouge tes fesses. Mais j'adore chouin-chouin. Plus ça va, mieux c'est. Tu vois, dans le 5, je le trouvais justement moins chouineur. Je trouvais qu'il était un petit peu plus... Alors, il va bouder dans son coin quand Yoda lui fait ouais, concentre-toi. Ouais, non, mais tu demandes des trucs super impossibles. Yoda qui lui fait attends, hold my beer. Et, mais voilà. Et dans le 6, enfin, à la fin du 5, il se prend une raclée. Et à partir de là, il commence à un peu redescendre et se dire ouais, en fait, peut-être que je me remette en question. Et du coup, dans le 6, il est plus chouineur comme ça. Il se prend quand même des raclées, mais il chiale plus. Il va pas bouder dans un coin. Genre, t'imagines devant le rancor. Non, mais c'est bon, j'en ai marre, je vais bouder là-bas. Moi, sur Dagobah, il y a trois trucs. Voilà, un premier truc que j'avais trouvé intéressant, encore des parallèles entre les films, mais là pour le coup c'est avec la prélogie, le parallèle qu'il y a entre Anakin et Luke sur le fait que tous les deux vont prendre la décision de passer outre les règles pour sauver des gens auxquels ils tiennent. Donc Luke qui part, qui quitte Dagobah pour aller aider Han et Leia sur Bespin, comme justement Anakin lui va prendre des mauvaises décisions pour essayer de sauver Padmé, mais l'un va tomber dans le côté obscur alors que l'autre non. Alors ça c'est peut-être un truc qui est plus exploré dans l'épisode 6, pourquoi lui est pas tombé dans le côté obscur et contrairement à Anakin. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on a récemment, notamment avec les nouveaux films, plutôt tendance à faire des parallèles entre la post-logie et la trilogie originale que avec la prélogie. Et puis ensuite, les deux autres trucs dont je voulais parler, c'est plus des questions, des trucs que je me suis posé pendant longtemps. Alors premièrement, la scène de la caverne du côté obscur. Est-ce que vous aviez reconnu à l'époque que c'était la tronche de Luke? Oui, j'avais reconnu et ça me faisait très peur. Voilà, moi c'est pareil. Ouais, j'ai pas compris non plus. Moi, j'avais pas compris que c'était lui, honnêtement. Je disais, voilà, c'est juste un mec comme ça. Je me suis dit... Donc, pour moi, cette scène, elle n'avait pas beaucoup de sens. Et nous, on a un pote qui croyait que c'était Leia. Oh là, elle a pris cher, Leia. Mais... Ouais. à chaque fois que je vois cette scène, je me marre parce que je pense au mec qui a vu qu'il se dit, oh, c'est Leia. Non, mais moi, je sais pas, moi, maintenant, je le vois, mais est-ce que c'est parce que je le sais ou c'est parce que j'étais con à l'époque? Et, voilà, je laisse les auditeurs décider. Et, le deuxième truc, et ça, c'est encore, pour le coup, c'est un truc auquel j'ai encore du mal. Qu'est-ce que Yoda veut exactement dire quand il dit, ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai? Pour moi, ça reste une phrase qui est encore un peu mystérieuse, même maintenant. Ben, en gros, soit tu le fais, soit tu le fais pas, quoi. C'est ça. Si t'essayes, tu pars du principe que tu peux échouer. Alors, ce que Yoda a dit, c'est, normalement, si t'y crois, tu réussis. Si tu veux essayer, ça veut dire que t'es pas convaincu de ce que t'es en train de faire. Donc, forcément, tu vas vers l'échec. C'est ça, parce qu'il dit, je vais essayer sans grande conviction, en vrai. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, ok, je vais essayer. non, essaye pas, fais-le. Hein. Moi, je trouve que ça sonne un peu comme un bouquin de développement personnel, quand même. Oui, aussi, ouais, mais ça, c'est toutes les bonnes formes de Yoda. Hein. Si c'est pas de droite, Yonel, sans ce coup-là. Écoute, faut bien payer la facture du ramonage de la cheminée, donc il vend ses bouquins. D'ailleurs, quand on parle de payer les factures, là ça me fait trop rire parce que y a un moment, enfin, R2-D2, il est dehors. tout du long sur Dagobah, hein, c'est-à-dire que voilà, il a vraiment pas fini d'en baver, ce pauvre. Et à un moment, j'ai éclaté de rire parce que ils sont dans la hutte et il y a Yoda qui bouge un petit peu, la caméra le suit et puis tu vois dans une des fenêtres juste le haut du dôme de ça me tue. Juste la lumière qui change, tu sais, qui passe bleu à rouge. Non. Puis en plus, si ça se trouve, c'est un peu dans la continuité de ce qu'on avait dit, parce qu'il fait des bip, continue de faire bip, des bip bip, donc si ça se trouve, il est en train de les insulter. Ah, laissez-moi rentrer! Bande de cons! Je vais vous défoncer dans votre sommeil! Elle a mort verte là, attends que tu sortes là! Punaise! Voilà, non, j'aime beaucoup Sassir de D2, moi. Ah oui, et puis. J'adore parce qu'il est super maniéré, Luke, alors que c'est un mec qui a vécu à la ferme, tu sais. Mais il se donne des grands airs, genre, t'as Yoda qui mâchouille un tout petit bout de son bâton. Le mec, il sent et, ah non, je peux pas le manger. Genre, tu peux pas casser le bout qui a été mâchouillé, le virer et bouffer le reste. Non, Yoda, il l'a touché. Je ne m'étais jamais fait la réflexion vis-à-vis de la partie ferme. C'est ça, c'est... Il est semi-campagnard, quoi. Ouais, c'est ça. Justement, comme je parlais de R2, je m'étais dit que c'était un bon moyen de dire que, contrairement au premier film, dans ce film-là, John Williams a écrit un petit thème pour les droïdes, que je n'arriverai pas à vous rechanter maintenant. Ah bah, c'est dommage. Ce qui est drôle, c'est qu'il revient presque pas dans tout le reste de la saga, genre. Il y a genre 5 notes, mais elles reviennent presque jamais. Je ne sais même pas à quel moment elle est jouée. Un petit peu sur Hot, un petit peu sur Bespin, et puis c'est tout. Ah oui. Non, c'est vraiment, vraiment pas grand-chose. Mais justement, ce qui est un truc qui m'a fait bizarre en revoyant le film, c'est que les nouveaux thèmes sont vraiment tous vraiment excellents, mais je trouve que le reste de la musique est pas si génial que ça par rapport à l'épisode 4. Il y a un moment qui m'a fait trop rire, c'est quand t'as les destroyers qui se préparent qui arrivent vers Hoth, qui se préparent à l'invasion, entre guillemets, à lâcher tout leur bordel. Et tu sais, t'as un plan sur Hoth, et puis ça passe à l'intérieur d'un destroyer avec un gars qui dit, ouais, allez-y, ils ont mis leur bouclier, il va falloir envoyer les trucs de terrain. Et la musique, elle devient super épique à ce moment-là. Je crois que c'est le thème de l'Empire qui est repris, mais avec des notes différentes. Et ça arrive d'un coup, genre, non, non, non, la musique super épique, super forte, tu sais. Alors que t'as juste le mec qui fait, on peut pas les attaquer, ils ont mis leur bouclier. Alors moi, je me souvenais pas, par contre, qu'ils envoyaient la marche impériale aussi souvent dans le film. J'ai l'impression qu'ils étaient tellement contents de leur thème qu'ils l'ont balancé tout le temps, quoi. C'est le mec qui te file sa mixtape, tu sais, tu peux la passer entre deux chansons à la radio, s'il te plaît. Mais ouais, quand t'écoutes la BO, ouais, il est un peu partout. Hein, la moindre apparition de Vador ou de l'Empire, boum, marche impériale. Mais voilà, après, c'est comme ça que tu fais un thème iconique aussi. Hein. Tu crois que les escouades de l'Empire, ils se baladent, ils ont une cassette avec eux. Quand ils arrivent quelque part, ils font, tu peux la mettre, s'il te plaît. Ils ont l'énorme lecteur CD, tu sais que dans les clichés de films, là, que le mec, il se balade sur son épaule, enfin, il a le truc sur son épaule, et t'as un mec comme ça qui suit Vador partout. Vas-y, maintenant, mets la musique. Mais, oui, du coup, à part ça, c'est vrai qu'il y a le thème de Han Solo and the Princess, qui est, moi, mon préféré du film, qui est une variation, en fait, du thème de Leia, hein. À la base, c'était juste une continuation. Mais du coup, Anne, il est venu se greffer dessus parce que lui, c'est un pauvre, il a pas le droit d'avoir un thème, alors qu'elle, c'est une princesse, donc ça. Elle a le droit d'en avoir. Pas les torchons et les serviettes. C'est ça. Qui est vraiment, pour moi, toujours un des meilleurs de la saga. Et c'est vrai que on l'entend vraiment que à partir de la chasse, la poursuite dans le champ d'astéroïdes, qui est vraiment. Pour le coup, moi, le meilleur moment musical du film. Bon, en tout cas, je suis d'accord sur le fait que c'est vrai que par rapport aux 4 qui avaient un ratio, durée de film et nombre de thèmes iconiques assez ouf, c'est vrai qu'il est moins marquant. Mais après, c'est vrai que j'en ai pas en tête, là, comme ça, des morceaux précis. Ensuite, je voulais que tu les chantes. Non, désolé. Ah, il y a celui d'Yoda aussi qui est super, et qui est aussi, pour le coup, une variation du thème de la Force. C'était censé être un nouveau thème de la Force, celui d'Yoda. Mmh. Moi, j'aime bien la BO dans l'ensemble. Je trouve pas qu'elle a un coup de mou particulier. Forcément, le premier, il est obligé d'en introduire beaucoup différents. Donc, même si c'est des reprises dans la suite, ça te paraît moins spectaculaire, quoi. Ouais, mais même au niveau de ce qu'on appelle en musique l'underscore, ce qui est toutes les parties où les gens parlent et où il n'y a pas forcément de thème qui reviennent et tout. Je trouve qu'il est un peu en dessous de celui d'avant et je pensais pas. Voilà. C'était juste pour, voilà, je voulais dire que ça m'avait étonné. Au moins, on a perdu l'espèce de jingle de l'Empire. Tintintintin. C'était le thème de l'étoile de la mort. Oui, mais qui est très très kitsch quand même. Non, il est pas kitsch. C'est has-been. Mais non, ça a son charme. Je l'aime beaucoup, mais voilà. Sinon, rien à voir. Pendant ce temps, je suis méchant. Sinon, rien à voir, mais je regardais le. À chaque fois qu'il y avait une scène dans le dans le cockpit du Faucon, et notamment quand ils sont dans le ver géant, tu regardes les coussins là qui sont sur les murs dans le couloir et tout, ils sont dégueulasses. Le Faucon, il est crade. Moi, je serais genre en train de mettre de la solution hydroalcoolique partout. après avoir vu Solo, c'est clair que tu relativises. C'est encore pire. Tu sais, tu regardes, tu fais waouh, mais même les sièges sont crassous, quoi. Tu sais, t'es dans la chambre d'un gamer, t'es genre oh mon dieu. mais Anne, c'est le camionneur, tu sais, qui se ramène avec son chien. Son chien, il le lave jamais. C'est une horreur. Chewbacca qui prend jamais de douche. Mais il en a pris une avec. T'as déjà essayé de laver un Wookie. Bah attends, si, il en a pris une dans une son avec Anne. Oui, puis depuis, il en prend plus seule, parce que voilà. Anne lui interdit l'accès à la salle de bain puisqu'il a trop peur maintenant. Prends toute l'eau chaude. Prends tout le shampoing aussi. Du coup, par rapport à la musique, vous aviez des trucs à noter ou des choses comme ça? Ben non, moi je trouvais que ça allait bien, ça s'intégrait bien dans le film, à part le passage dont j'ai parlé avec le... La musique, le sound design qui est toujours fou, hein, ça change pas tout le monde de la saga. Mm-hmm. Le bruit des walkers qui est ouf. Ouais. Pareil que Matt. Après, c'est toujours aussi bien. J'ai vu le film en ciné-concert en début d'année. J'avoue que ça claque. Hein. Non, bah, ça c'est clair. Mais en plus, alors là, je vais partir un peu dans la comparaison avec les autres. Mais moi, je trouve que la musique de fin, parce que vous savez, à la fin, le Star Wars, c'est toujours la scène sans parole et tout avant le générique. Et pour moi, par contre, c'est ce film-là qui a le meilleure musique de fin de toute la saga. C'est vrai. Ça te prend aux tripes à chaque fois. C'est vraiment. Moi, je me suis posé la question en voyant dans cette scène. Je me suis dit, mais c'est quoi la galaxie qui regarde? Est-ce que c'est la galaxie de Star Wars ou est-ce que c'est une autre galaxie? Et si c'est la galaxie Star Wars, ça veut dire qu'ils sont quand même allés super loin, parce que quand même, pour voir une galaxie complète dans ta fenêtre, faut quand même aller super loin. Donc évidemment, c'est des questions, je pinaille et tout. Non, mais je me suis posé la même question, t'inquiète pas. J'avoue aussi, j'étais genre, mais attends, c'est une galaxie. Non, mais c'est très drôle, ça n'a aucun sens. C'est génial. Voilà. C'est stylé, oui, mais ça n'a aucun sens. Dans le 9, ça va être la même, mais sauf que ce sera un trou noir, tu sais. Genre, hey, maintenant qu'on sait à quoi ça ressemble. ouais, pourquoi pas. Ouais. La bonne fin, tu sais, en fait, les mecs, ils vont se jeter dans un trou noir. Comme ça, il n'y aura plus jamais de guerre s'il n'y a plus Skywalker. Mais c'est vrai que quand on y pense, en fait, ça illustre un truc assez intéressant. Il y a des séries genre Star Trek qui vont vraiment essayer d'être plus ou moins cohérente du point de vue scientifique. C'est vrai que Star Wars, ça pourrait tout aussi bien, je sais pas moi, être uniquement se passer sur Terre, en fait, parce que le fait que ça se passe dans l'espace, ça a presque aucune influence sur le déroulement de l'histoire. Genre par exemple quand ils sont dans l'astéroïde, pas de problème, on sort dans l'espace, pas de combinaison, on a juste un petit truc pour respirer. Ça a quasiment aucun impact, le fait d'être dans l'espace, et on s'en fout. Voilà, il y a les bombes qui tombent. Le fait de faire des trucs en vitesse lumière, voilà. Je sais pas exactement comment ça se passe, mais c'est genre voilà, c'est juste on passe la cinquième, ça, il y a aucune conséquence là-dessus. C'est intéressant de voir que voilà, c'est complètement un différent point de vue sur la science-fiction par rapport à d'autres sagas qui essaient d'être plus ou moins cohérentes. Basiquement, Star Wars, c'est la space fantasy, c'est la fantasy dans l'espace. Tu remplaces les planètes par des villages, ça marche tout pareil. Donc, oui. Voilà, c'est pas vraiment la science-fiction, on enlève la science de la fiction. Tu transposes Star Wars sur un monde, une fantasy random, ça marche pareil, quoi. C'est le même principe. Mm-hmm. Mais c'est dans l'espace, donc c'est cool. Tu peux même faire un truc médiéval fantasy presque avec leur, vu qu'ils ont carrément des épées. Genre, ça me fait trop marrer. Genre, Luke, il va affronter Vador, il a son blaster à la main, il fait, ouais, non, je vais sortir l'épée plutôt. Ah bah c'est plus noble. Ouais. Ou même ce truc, le truc fameux dont tout le monde parle, les vaisseaux qui font du bruit dans l'espace, quoi. Bah rien que ça déjà, oui. Non, puis voilà. Les planètes, c'est littéralement des villages. Je veux dire, ils vont aller sur Coruscant, ils vont aller toujours au même endroit. Enfin, Coruscant, c'est une planète entière, mais en fait, c'est 3 km². Tu vas aller sur Tatooine, il y a Mos Espa et Mos Eisley quand même, il y en a deux. Mais c'est tout. Enfin, Geonosis, ils vont sur Geonosis, mais il y a juste un endroit pareil. Bespin, pareil. C'est juste la cité. C'est tout. Alors, donc, ouais, en fait. Village. et le côté avec les carcasses de vaisseaux. Et attention, il y a des sables mouvants un peu plus loin. Donc ouais, non, space sans fantasy, en fait, c'est un meilleur mot que science-fiction. Bah, voilà, même Dagobah, il va sur Dagobah, il faut quand même qu'il arrive à tomber pile poil sur Yoda, quoi. Ouais. Juste comme il le fait hier. Ouais, t'imagines s'il était tombé de l'autre côté de la planète, quand même. Oh, merde. Mais c'est la force qui a voulu qu'il tombe là. C'est quand même bien pratique. Ouais, grave. Bah c'est marrant comme ça marche pour ces films-là. Tu sais, les gens se posent pas de questions, mais dès que le personnage principal est une femme, là, ça pète un câble. Hein. Pas voilà. Faux, ouais. Et faut toujours se faire même tout ça. De quoi ? Non, j'y suis reparti, il nous faut un jingle. Mais c'est ça. Bah oui, mais non, mais ça me rend ouf que les gens, ils essayent d'appliquer tout le temps des vraies règles sur Star Wars, genre c'est celui-là votre préféré, c'est le pire. Il y a les bombes qui tombent, il y a un ver géant dans un astéroïde, il y a tout le monde comme l'a dit Xenut, enfin ils sortent du faucon sans combinaison ni rien. Enfin, arrêtez, c'est bon là, tout va bien, c'est pas grave, détendez-vous. Donc c'est une alien, c'est tout. Ouais, je me demande toujours pourquoi ils attaquent au fait les quadripodes avec des speeders. Pas les X-Wing. Parce qu'ils sont cons. Parce qu'ils savent que les machins, ils ont un blindage trop fort pour les lasers. Donc Mais non, c'est l'inverse en fait. Ils ont un blindage trop fort pour les lasers de speeder, mais du coup, alors que les X-Wing, ils marchent dans le froid, visiblement. Bah, en fait, c'est parce que les X-Wing, en fait, le but, c'est d'évacuer la planète. Et ils veulent juste faire ils envoient les speeders juste pour retenir et retarder un peu les marcheurs pour pas qu'ils explosent leur base avant qu'ils aient le temps d'évacuer. Du coup, les X-Wing, ils sont utilisés pour l'évacuation. Donc, ils vont pas envoyer leur meilleur vaisseau juste faire une diversion. Ah ouais, pas con. Oui, mais les X-Wing, ils auraient dégommé des quadripodes plus rapidement. Oui, mais est-ce qu'ils pouvaient vraiment se permettre de perdre des X-Wing? Genre, parce qu'après, s'il leur reste les speeders, ils peuvent plus rien en faire. Les speeders, ils vont pas dans l'espace. Et puis aussi la tactique justement de leur tourner autour pour les faire tomber, c'est un truc qu'ils avaient prévu ou c'est dans le feu de l'action, ils se sont dit non, ça c'est pas ça. C'est trouvé dans le feu de l'action. Oui, ouais. T'as Luke qui le trouve et qui fait ah bah attends, on va essayer de faire ça. Donc ouais, non, ça pourrait pas être ça. Il y a un truc cool, j'y pense là comme ça maintenant si on parle de ça, mais qui est super cool évidemment, mais c'est on reparle de Wedge. On te reclique Wedge dans cet épisode là, même si on le voit. Je crois qu'on le voit juste, il a juste un plan ou deux. Mais ouais, j'ai quand même là. Je trouve ça juste cool de faire la continuité comme ça avec l'épisode précédent. Ils auraient pu mettre un pilote random à la place, mais c'est plutôt stylé. Ah bah tant qu'on est dans les continuités, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que justement quand on voit cette scène où Wedge cherche Anne et Luke, leur indicatif c'est pas lui. Ah c'est pas lui. Bon bah en tout cas c'est dans cette scène là justement quand il les cherche, leur indicatif c'est Rogue 2. Et donc j'aime bien Rogue 2. Avant c'était Rogue 1. Donc voilà, moi les petits clins d'œil comme ça, je trouve ça cool. Mais en fait, je crois que à ce moment-là, c'est Luke Rogue One. Ah bon ? Ah merde. Bah, en fait, c'est l'escadron Rogue. Du coup, il y avait forcément un point Rogue Leader, si tu veux. Bon ben ma théorie s'effondre. C'est Wedge. Mais de toute manière, voilà, enfin, Rogue One a été nommé en hommage. Enfin, dans le nouveau canon, l'escadron Rogue a été nommé en hommage à Rogue One. Ouais. Mm-hmm. Ok. Bon ça marche à peu près, mais ouais, voilà. C'était pas aussi cool que ce que j'imaginais. Bah ouais, tu nous as tous pourri notre soirée, bravo. Tout le monde avec notre truc de nerd sur l'escadron Rogue. Bon, du coup, on en était où, là? Ben là, la partie 3, là, les attentes subverties. Ah ouais, bah du coup, ton attente sur le fait que c'était Rogue 2 par rapport à Rogue 1. Ah bah elle est vachement subvertie, là, ouais. C'est une grosse attente. Ça, c'est le nouveau truc à la mode, c'est de dire que, oh là là, mes attentes ont été subverties. Les films, ils ont pas fait ce que je voulais, du coup, voilà, j'ai entendu ça, dire ça pour tout, genre, même pour le MCU, il y a des gens qui parlent d'attentes subverties, ce qui est assez ouf, parce que même si, voilà, moi, je suis pas du tout un hater du MCU, faut vraiment avoir des attentes bizarres, pour trouver que ton truc a été subverti, voilà. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, ça l'était vraiment dans ce film-là. Par exemple, la bataille de fin de film, ben, au final, elle est au tout début. Et à la fin, c'est beaucoup plus personnel, avec justement ceux qui essayent de s'enfuir de Bespin, et puis On n'a même pas une happy end, en fait. Non, mais voilà, mais attends, mais laisse-moi finir, parce qu'il y a plein de trucs. Justement, le fait qu'il y ait plein de nouveaux pouvoirs de la Force, alors depuis le rachat par Disney, il paraît que c'est horrible quand il y a des nouveaux pouvoirs de la Force, alors que pratiquement tout ce qu'ils font dans ce film-là, c'était pas dans celui d'avant. J'ai vu ça il y a pas longtemps, dans tout le film, il y a qu'une seule scène où tous les personnages principaux sont ensemble. C'est la meilleure scène en plus, c'est celle où Leia embrasse Luke. Et c'est la seule scène du film. Et c'est quand il sort de la cuve, Luke. Ouais, c'est la seule scène où ils sont tous ensemble. Il y a Lando aussi qu'on me présente comme le pote de Han et qui en fait trahit un peu tout le monde. Même si bon, il fait ça pour des raisons qui peuvent se défendre. Parce que voilà, lui, il a plein de gens sous sa responsabilité. Mm-hmm. Et c'est très facile pour Vador. À mon sens, pas assez appuyé, je trouve. Dans le film, ouais, c'est vrai. Dans le film. Bah, ça, quelque part, c'est parce qu'il y a tellement de trucs à caser dans ce film que. Oui, non, c'est sûr. Au final, il en parle un peu. Mais c'est un peu frustrant, je trouve aussi. Pourquoi donc ? Parce qu'effectivement, t'as envie d'en savoir plus. L'avenir fait qu'avec l'univers étendu, etc., t'en apprends un peu plus. Mais. Le moment où tu les présentes, t'as envie d'avoir tout l'historique. Enfin, t'as pas assez les clés pour comprendre un peu tous les enjeux de leur relation. Ouais. Lando. Ouais, qu'on a pas assez. Lando et Han, oui. D'infos sur sa motivation aussi. Mm-hmm. Ouais, bah, c'est pas super clair qu'il est administrateur de la Cité des Nuages. C'est assez rushé. Ah ouais, en fait, c'est très rapide les scènes d'intro de Lando et même les scènes où on le voit. Du coup, c'est un peu compliqué. T'as du mal à te faire un avis sur lui, surtout un avis positif quand tu vois que le mec il trahit ses potes et puis, tu sais, t'es genre ouais, c'est chelou. C'est pas trop quel est son point de vue en fait. Moi, bon, un truc que j'ai bien aimé avec Lando, c'était disons la validation rétrospective de tout ce qu'ils ont rajouté sur le background du personnage dans Solo. Le fait qu'ils disent ouais. Voilà, ce vaisseau m'a sauvé la vie et tout, le rapport avec Han la première fois qu'il le voit, c'est pareil, c'est plutôt, ça tient du clin d'œil, ça va pas te changer ton expérience du film, mais je trouve ça cool de justement en ayant revu les films dans leur chronologique, de revoir ça et de voir ça fonctionne complètement. Ça me fait encore plus aimer Solo. Quand Solo lui dit qu'il a gagné à la loyale le vaisseau, et je sais que ça fait penser à Solo, effectivement. Grave. Mm-hmm. Il est vachement bien dans Lando, dans Solo. Mais là, par exemple, dans le 5, il me semble que c'est le seul personnage racisé. Ouais. Et du coup, ça fait un peu chaud, la vision, parce que c'est le seul mec noir qu'on t'introduit, et le gars, il joue un double jeu, il est un peu couard, c'est un peu un dragueur. Il trahit ses potes, puis après, non, finalement, je change d'avis parce que c'était pas cool. Du coup, tu sais, c'est chaud. Parce qu'en vrai, le gars, il essayait juste de se débarrasser de l'Empire. Il a vu que l'Empire faisait de la merde. Il s'est dit, ouais, non, tant pis, il n'y a plus de deal et je sauve tout le monde. Ben justement, en fait, c'est un peu ce que disait Grushkov. Bon, moi, parce que le problème qu'il y a avec le traitement du personnage, c'est qu'il a des raisons qui peuvent se défendre. Le problème, c'est que, voilà, ça passe un peu vite. Il a justement des responsabilités. Mais le problème, c'est que ça se voit pas trop. Ouais, et puis ça fait du coup ça fait un peu raciste le seul mec racisé qui est un peu le cul entre deux chaises, qui est un peu un personnage qui est pas très bien traité dans le film, je trouve. Tu pourrais faire ça sur toute la saga aussi, je pense, hein, clairement. Ouais. Il y a plein d'articles là-dessus sur le. Mais on en avait parlé pour la prélo notamment. Bah, il s'en sort quand même mieux que Mace Windu, j'ai envie de dire. Hein. Pour le coup. Ouais, c'est chaud. Mais en tout cas, moi, le Solo, le moment où il arrive, mais il respire tellement le cool, le personnage, avant qu'il ait tous les petits problèmes qu'il a, comme voilà, il respire tellement les années 80, la moustache, la cape et tout, le côté dandy. Un peu. Au moment où je trouve qu'il fait danse, il fait mec, qui va danser. De disco. Ouais. Ouais, oui, voilà. Et il a tellement ce côté cool, notamment, voilà, avec tout ce revival des années 80 qu'on a partout, là, en ce moment, là. Il est complètement dans ce délire-là et il fonctionne tellement bien aussi, lui, encore. Il a un côté kitsch, mais qui marche bien. Et Billy, ouais. Je le trouve assez bon aussi dans le rôle. Hein. Il joue bien. Il marche bien, Comment le mec, en plus, il en est venu... Pardon, Matt, je croyais que t'avais fini. Ah, comment il en est venu à devenir administrateur, tout ça, de Bespin et compagnie? Bah ouais, c'est comment il est parti du ouais les mining colonies c'est des pires trucs et puis au final bah il devient chef de d'une. À mon avis, moi il a fait trop de magouilles, tu sais, et il s'est retrouvé dans une position un peu galère et il a eu l'opportunité de soit se trouver dans la merde avec l'Empire, soit se poser sur ce truc là et il s'est dit ok, je vais me poser sur ce truc là puis je vais faire à ma façon et je vais en faire un truc bien. Si je dis pas de conneries, dans l'ancien univers étendu, il avait encore gagné ça au sabbat quoi. Du jour. Tu imagines le mec qui fait toute sa vie au sabbat, tu sais. Est-ce que je me marie ou pas? Allez. Alors moi, un truc que je voulais parler, alors c'est pas vraiment par rapport au film, mais par rapport aux idées qui sont développées dans le film. Et puis on parlait justement du côté réaliste ou non de l'univers Star Wars. C'est par rapport à la colonisation de l'espace. On parle beaucoup de Mars et tout, comme quoi, voilà, les proches et tout, ça ressemble à la Terre. J'avais vu qu'il y avait des gens qui proposaient plutôt de s'orienter pour un truc qui serait plus ou moins faisable dans la colonisation de Vénus, mais pas sur le sol de Vénus, mais plutôt à la cité des nuages, avec des trucs qui seraient vraiment au-dessus de l'atmosphère de Vénus, parce qu'apparemment voilà c'est vraiment l'enfer au niveau de la planète avec de la pression, l'acide, et des gens disaient que finalement ce serait peut-être plus à notre portée comme premier truc de colonisation de faire un truc justement qui serait situé au-dessus de l'atmosphère de Vénus comme première étape de colonisation en dehors de la Terre, et j'avais trouvé ça quand même plutôt cool à imaginer. Ouais. Pour parler de planète Ventus, moi c'est Jupiter qui, j'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est juste des tempêtes, c'est juste des ouragans Jupiter partout. Et du coup, est-ce qu'il y a un sol en dessous? On sait même pas, parce que on peut pas voir à travers les tempêtes qu'il y a. Voilà. C'était un hors sujet sur les planètes venteuses. Mais après, c'est vrai que c'est pas non plus un truc qu'il explique. Il parle de planètes, d'exploitation, mais ils exploitent quoi sur la planète Bespin? Du gaz Tibana. C'est pour ça que je parlais de planète venteuse. De mémoire, si je dis pas de bêtises, le gaz Tibana, c'est ce qu'il y a dans les blasters principalement, je crois. Oui, donc il doit se faire un sacré pactole. Bah, c'est vrai que si tous les blasters fonctionnent avec, oui, il doit y avoir de la demande. Parce qu'il y avait des missions dans Rogue Squadron, où tu devais récupérer des réserves de gaz Tibana comme ça. Si tu parles de Rogue Squadron, moi c'est vrai que la scène de la bataille de Hoth, voilà, ça m'a donné des flashbacks, ça aussi. Quelle horreur ce truc dans le jeu d'ailleurs. Ouais, toujours avec des caméras horribles, on est toujours à se cracher contre les pattes du TBTT. Non, c'était assez chaud, ouais. Mais c'était de bons souvenirs quand même. Je vous laisse faire la transition jusqu'à la révélation de Vador maintenant. Ah ben, comme on était sur. Ben si, non, c'est facile. Vu qu'on était déjà sur Bespin, on est quand même à l'endroit où on a quand même la grosse révélation, là, le grand moment du film. Ouais, ben justement, vous allez pouvoir parler un petit peu de la chambre de refroidissement et le plan de Vador qui est de torturer les amis de Luke pour l'attirer là et le congeler et l'envoyer à l'Empereur. Alors ça, pareil, c'est pas des masses expliquées. Il torture Solo pour que Luke, il s'en rendre compte et qu'ils viennent. Ouais. Non, je crois qu'il veut vérifier que la carbonite, ça va pas tuer quelqu'un. Parce qu'il Mais avant Solo, on parle de la torture. Il torture Solo sans lui poser de questions ni rien. Donc c'est pour qu'en fait, Luke, il sente la souffrance, je pense. Ou alors c'est juste un gros sadique. Hein. Oui, c'est un sadique. Hein. J'avais jamais cherché plus loin que ça, j'avoue. Moi, c'était pas il y a longtemps où j'ai eu du mal. C'est parce que maintenant, il déteste le personnage d'un Solo. D'ailleurs, Léa qui est encore la personne qui se fait aussi maltraiter, mais qui vient faire des tap-tap sur le front des gars en mode « Tu vas t'en remettre, ça va aller. » Est-ce qu'on sait si elle s'est fait torturer? Léa? Ouais. Ah, peut-être pas, mais elle est face au gars qui a tué sa planète. On peut parler de ces 3PO un petit peu, parce que se fait dégommer par quoi? Par des Stormtroopers? Oui, par des Stormtroopers, il le dit. C'est dit? Oui, c'est vrai. Oh non, des Stormtroopers! Il faut que je prévienne tout le monde! Et puis il se fait démembrer par des Huguenots. Et le droïde qu'on voit justement avec les Huguenots là, dans la petite encyclage, là, c'est IG-88 ou c'est un autre IG? Je sais plus. On va relancer le débat. Alors c'est pas IG-11 déjà. Déjà. J'avais même pas tilté qu'il y avait un IG moi alors. Mais il est là côté de Boba Fett. Bah ouais, justement, à côté de Boba Fett, qui est le seul... Moi, je me demandais hier, est-ce que il avait vraiment flairé le plan de Han, ou est-ce que le mec, en fait, il passe sa vie dans les déchets, il fait du... il scrape des trucs, il récupère des... Mais non, mais le mec, un jour, il a dit « Men Arthrage », il a fait « Ok ». Voilà, prenez-en de la graine. Mais, c'est le sens, c'est l'instinct du chasseur, tout ça. C'est pour ça que les gens, ils sont autant fans. Oui, il avait tout. Il a eu le même plan. Je trouve le mec, il faisait une sieste. Il s'est fait virer. Il était dans les trucs d'ordures du Star Destroyer en train de faire sa sieste. Et là, il fait, oh, mais c'est Solo, bah, vas-y, j'y vais. D'ailleurs, ce que je trouve assez intéressant, c'est comment les gens savent qu'il y a un passif entre Boba Fett et Han, parce que là, dans ce film-là, en tout cas, il y a aucune indication qu'ils se connaissent déjà. Ah, mais ça se trouve, c'est... L'édition spéciale, pardon, on le voit, je crois, dans la scène où il y a Jabba. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'édition spéciale. Mais ça se trouve, c'est pour ça qu'il attend dans les déchets. Ça se trouve, il connaît Han par cœur. Je sais ce qu'il va faire, ce mec, il va se foutre dans les déchets, hop. Du coup, il attend, il voit, oh, bingo, allez, je le suis. C'est tellement un déchet, ce mec, je vais le retrouver. Son hyperdrive doit pas fonctionner, donc il va partir en douce derrière. Le mec, il connaît tous les plans du gars. Oui, d'ailleurs, Ximut, tu voulais en parler du fait que les mecs, ils disent tout le temps, ouais, c'est pas de ma faute. Ah oui, non, ça, c'était un thème que c'était presque un running gag. J'aurais presque dû noter tous les passages où ça arrive, mais en fait, je crois que c'est à chaque fois qu'ils essayent de réactiver, parce que c'est aussi un running gag, les mecs qui arrivent pas à réparer leur hyperdrive pour activer le saut en hyperespace. Et je crois qu'il y a 3 ou 4 scènes où le truc où ils essayent de démarrer et que ça marche pas. Et à chaque fois, les mecs sont toujours en genre, c'est pas ma faute. Donc, c'est finalement, ça devient assez rigolo parce que c'est un peu ce thème de ce qu'on avait dit vite fait avec Han, notamment les mecs qui font style, t'inquiète, voilà, je gère, pas de problème. Ouais. Et qu'en fait, ils gèrent que dalle. Il y a ça et le fait que c'est juste pour insister sur le fait que le faucon c'est vraiment un tas de ferraille en fait. Bah, la manière dont ils le disent, ils ont tellement l'air piteux que voilà, moi ça m'a surtout sauté aux yeux, voilà les mecs les types qui sont complètement pris au dépourvu, qui savent plus quoi faire. Mais effectivement, doit y avoir de ça aussi, voilà, parce qu'ils passent quand même tout l'épisode à essayer de réparer le faucon et que ça marche pas trop. Oui, et puis quand c'est plus Han, c'est Lando qui s'y met en mode oui, c'est voilà. Pas de ma faute. C'est exactement ça, c'est et je me demande si même Luke le dit pas un moment mais sur un autre thème, j'aurais vraiment dû noter chacune des scènes parce que je crois que ça revient 4 fois. Bah, Luke lui c'est en général, il est tout le temps chouin comme le dit Tuki. Voilà, non, le seul qui gère à peu près c'est Vador. Mais lui, son plan, ça marche à peu près comme il avait prévu. Pardon, mais Vador, son leitmotiv dans ce film, c'est tuer des mecs. En tant que Seigneur Sith, voilà. T'as fait une erreur, je te tue. T'as fait une erreur, je te tue. Ça a tellement marqué les mecs qui font des trucs après sur Vador que c'est devenu un petit peu son truc de personnalité. Tuer des mecs de son propre corps. Et en plus, il est super chill quand même, parce que quand il arrive sur Hoth et qu'il veut attraper le faucon, il y va genre en marchant tout tranquillou, c'est genre tranquille. Et puis il voit le vaisseau se barrer, genre ouais, ok, bon bah je retourne dans mon vaisseau. Ah merde. C'est le mec, il essaye pas d'arrêter le vaisseau ni rien, il regarde le faucon se barrer. Genre. Ah ouais. Bah en fait, c'est un peu son point faible en fait, lui Vador, c'est quand il faut sprinter, parce que c'était la même chose dans le 4, juste après qu'il ait buté Obi-Wan, il essaye d'aller dans la direction du faucon et il se fait fermer la porte juste au dernier moment. Même dans Rogue One, hein, je te rappelle. Oui voilà, oui. Donc voilà, lui son point faible, c'est le sport en fait. Tu veux te débarrasser de Vador, c'est le PS. Son problème, c'est le PS. Il est nul en EPS. En même temps, tu l'imagines courir avec les jambes raides, tu sais. Mais voilà, ça doit être ça, ouais. D'ailleurs, c'est la première fois où on le voit justement sans son masque et que et on voit qu'il est, il a ses mutilations, ses marques. Mmh. Justement, d'ailleurs, je me demande ce que pensaient les gens à l'époque de l'épisode 4. Est-ce qu'ils pensaient que c'était un robot ou est-ce que est-ce qu'ils se posaient la question de justement qu'est-ce qu'il y avait sous ce fameux masque? Mmh. Donc là, on commence à avoir un tout petit indice, mais on le voit que de dos. Moi, je sais que quand je l'avais vu la première fois et qu'on voit cette scène-là, j'étais super intriguée. Je me disais, mais en fait, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi c'est sa tête? Pourquoi elle est comme ça? Enfin, c'est trop bizarre. J'arrêtais pas de poser des questions à ma mère et elle était genre, on sait rien. Pardon? C'est ultra efficace pour le coup. Grave. Mm-hmm. Mais c'est intéressant parce que justement, on a, en fait, ça fait un contraste intéressant parce que on a justement ce personnage qui, pour le coup, lui, est le seul qui réussit à peu près ce qu'il entreprend. Mais en même temps, on a cette première scène, on a cette fameuse scène où on le voit en train de mettre son masque et on dit, ah, bah, ouais, non, finalement, il est pas si balèze que ça. Voilà, il est tout dégueulasse. il a pris cher quand même. Donc c'est intéressant de voir le contraste. Ah, moi, je continue de le trouver balèze quand même. Pardon. Oui, oui, c'est vrai que ça le rend plus impressionnant encore. Tu dis, waouh. Bah, ça lui donne une faiblesse quelque part, je trouve. Ça lui donne un point faible. Il n'est pas juste cette armure noire avec zéro défaut qui montre aucune émotion. Il a ce côté humain qui lui donne une faiblesse, je trouve. Moi, je trouve que c'est encore pire, en fait. Il a un côté monstre, justement, parce que du coup, tu sais pas vraiment s'il est humain ou si c'est un alien ou si... Là, tu te poses encore plus de questions, donc du coup, c'est pire. Moi, vraiment, les moments où je trouve que Vador descend son piédestal, c'est plus quand il y a eu les comics version Marvel récents, où là, tu vois qu'il se fait un peu bolos et... Ouais. Là, effectivement, je trouve que niveau iconisation, il perd un peu, mais dans les films, il est inattaquable. Hein. Ouais. D'ailleurs, ça me fait trop marrer parce que quand il a la discussion avec son... la discussion papounet et fiston, tu sais, où il est en mode « Oh, bon, ils sont partis. Oh, bon, ça va, j'ai discuté avec mon fils, je suis de bonne humeur. » Et que t'as tout le monde qui est genre « Est-ce qu'il va tuer quelqu'un ?» Ouais, mais justement, le fait qu'il désingue tout le monde tout le long du film... Et à la fin, que t'as Piet qui chie dans son froc littéralement parce qu'il s'est échappé, et que Vador fait rien, bah, c'est justement pour montrer qu'il y a aussi des émotions vis-à-vis de ça, quoi. C'était, tout ça, c'était pour venir revenir là, je pense. Bah oui, justement, on te montre que c'est, on te rappelle que c'est un humain, puis après, bon, on te dit carrément, ouais, c'est pas seulement un humain, c'est un papa, le mec, à la base. Puis du coup, voilà, après, on te montre qu'il a des émotions, au niveau, voilà. Là, il commence à avoir un arc, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Avant, c'était juste le token du bras droit badass et tout. Enfin, même pas spécialement badass en plus dans l'épisode 4. Il y a juste une super présence. Mais c'est super cool de voir son évolution. Et j'aime beaucoup... franchement, c'est toujours un de mes duels préférés, hein, celui entre Luke et Vador. Ça, c'est les vrais duels Star Wars où c'est vraiment psychologique, où c'est la plupart de la chorégraphie tient plutôt bien, hein, surtout au début quand ils sont à contre-jour là dans la salle, votre salle préférée, c'est de la carbonite, vraiment super beau, super réussi, et ça parle beaucoup. C'est un des meilleurs moments du duel, je trouve. Ouais, ouais. Il commence super bien. Moi, le passage du duel qui m'avait je perds mes mots, qui m'avait vachement marqué, c'était aussi quand Luke est totalement en déroute, qui se prend des caisses dans la tronche. Je trouve qu'il joue super bien, et tu sais, t'as l'impression qu'il va jamais se relever, que le mec, il est totalement en train de perdre ses moyens, et il arrive même plus à savoir d'où viennent les attaques. Enfin, c'est Vador qui est en mode oh, tranquille. Il pète la vitre. Attends, je me mets juste un peu derrière le mur pour pas m'envoler. Ah, tu t'es envolé? Bon, ok, j'arrive. Mais non, je trouve que ça, leur combat marche bien. Et voilà, Luke, il se fait laminer et t'as vraiment cette tension de waouh. Déjà, ils avaient raison, t'étais pas prêt. Mais en plus, Vador a pas l'air de faire des efforts. Au début, quand il fait tomber Vador et tout, tu dis ah ouais, ok. Puis après, tu vois que Vador, il est totalement chill. Et t'es genre, ah ouais. C'est... Vador, dans ce duel, est en retenue. Tout le long, il ne veut pas le... C'est même un peu l'inverse, en fait. C'est lui qui est sur la défensive. Ouais. Au bout d'un moment, il essaye de l'acculer, de le coincer, justement pour le faire en sorte qu'il le rejoigne, je pense, comme à la fin, il lui dit. Mm-hmm. Mais Vador n'est pas dans l'attaque, n'est pas dans la... Non, il ne cherche pas à le détruire. C'est Luke qui attaque en premier, de toute façon. Mm. Donc... Ce qui est intéressant, c'est que son but premier, c'était de le mettre dans la carbonite. Et du coup, voilà, ça marchait. Mais du coup, pourquoi après, enfin, c'est trop drôle parce que après. Attends, le moment où maintenant il fait, c'est trop facile, et puis. En fait, non. Et j'adore parce que t'as Luc qui est dans les câbles et il bouge presque pas dans les câbles. Tu sais, il est en train de faire. Et l'autre, il arrive même pas à le toucher. Ce que j'aime bien, c'est que maintenant, il détruit la salle à ce moment-là. Enfin, il tape dans les câbles et tout. Il y a plus rien qui peut marcher à ce moment-là. Mais perdu, je vais quand même perdu, essayer de le mettre dans la carbonite. Mais du coup, après, il le laisse. Et justement, c'est intéressant ce que tu dis. Justement, il lui laisse. Il l'accule. Il pense qu'il essaye de le faire s'arrêter lui, de lui-même. Et c'est là où il se fait toucher justement par Luc et puis il fait bon allez c'est bon on arrête les conneries, il coupe la main, c'est exactement, pardon je suis désolé je vais encore en parler, et c'est exactement quand Finn attaque Kylo Ren et t'as le mec il joue avec, mais ouais je suis désolé, il joue avec et puis à la fin il se fait toucher et puis il fait bon bah c'est bon, il lui fout un pain, il le met à terre, c'est vraiment le même genre de d'interaction où les mecs ils en ont juste marre. C'est bon, ils ont fait leur truc. Maintenant, on arrête de rigoler et puis on passe aux choses sérieuses. En fait, c'est des chats, tu sais. C'est genre, je joue avec toi, puis t'as la souris qui leur mord la patte. Ouais, ok, d'accord. Je voulais juste glisser, j'ai pas eu le temps tout à l'heure, mais je crois que c'est vraiment avec ce film-là que je trouve que Vador prend toute son épaisseur et que j'ai commencé vraiment à apprécier le personnage. Beaucoup plus qu'avant, en fait. Oui, je suis d'accord. Dans le 4, on sait pas trop où le positionner parce qu'il a l'air subordonné aux autres et en même temps, les gens ont l'air d'avoir peur de lui et puis, mais dans celui-là, ouais, il a plus de profondeur. T'as envie de savoir son background avec quand tu vois son crâne et il a ce côté chill et en même temps, super soupolé, genre, il avance tout le temps lentement, il parle très posément, mais il passe son temps à buter tous ses subordonnés. Le côté le plus chill, c'est quand il est dans la salle de réception, là. Quand t'as Solo qui lui tire dessus, oh, pas de problème. Il y a plein de mèmes là-dessus, en mode, ouais, bah, tu sais, quand tu veux juste inviter ton gendre à manger et que qui te fait attaquer. Mais le côté impressionnant et justement le fait qu'il soit plus subordonné, ça vient complètement du fait qu'il est plus Tarkin en fait. Oui. Là, il est plus aux ordres de personne. C'est vrai. C'est vrai que c'est lui qui est aux commandes en fait, par la petite transmission de l'empereur, bien bien dégueulasse d'ailleurs dans la version originale. Hein, c'était une espèce de masque de. Je sais pas quoi, à l'origine, ça ressemblait à rien. Alors, moi, en plus. Mais j'ai vu une image, ouais. Mais en plus, je vous racontais, j'avais les romans photos. Je vous raconte pas la gueule de la photo, c'était une espèce de capture d'écran, dégueulasse, imprimée. Je voyais pas à quoi pouvait ressembler l'empereur, hein, mais vraiment rien du tout. Mmh. C'était immonde, hein. Moi, je trouve que l'empereur version ancienne, il y a presque un côté Snoke, en fait. La forme du visage. En plus, il met sa grosse tête en blanc. Non, on relance pas les théories, je t'en prie, pitié. Non, je veux pas dire ça, mais c'est vrai que je sais pas. Je me demande s'il y a pas un hommage. Il va y avoir 5 vidéos YouTube après quand tu auras dit ça. Oups. J'ai pas fait exprès. Du coup, voilà, tout ce duel, toute la tension, elle arrive. Oh, pardon, t'avais pas fini. Non, bah, je viendrai après. Voilà, mais enfin, bref, ça, on sait tous jusqu'où ça mène, hein, Luc qui va vraiment jusqu'au bout. Le mec, il y a la rambarde qui est là, qui lui dit, non, mec, tu vas tomber dans le vide. Le mec, il passe par-dessus, il va vraiment jusqu'au bout du truc, il veut vraiment être le plus loin possible. C'est parce que c'est une vraie drama queen, c'est tout. Tu sais, il peut pas juste se mettre au rebord et faire. Oui, à un moment, il est déjà en danger, mais il va encore plus loin. Tu le vois faire, tu dis, arrête! Tu peux déjà tomber, là. Moi, il me fait trop marrer parce que t'as Vador qui est en train de lui dire, mais si tu veux, on peut vivre ensemble et tout, tu sais, il l'invite. Il est plus du tout agressif à ce moment-là, Vador, et l'autre, il continue à reculer, genre. T'as l'autre qui est accroché, tu sais, à sa petite barre. Et moi, je me dis, tu te mets dans la tête de Vador en mode, c'est mon fils, je pourrais enfin être un papa, et puis, on va être badass et tuer l'empereur, et puis, t'imagines Vador qui voit l'autre qui est en train de se barrer en rampant, et ben, qu'est-ce que tu fous? Oui, bon, il peut quand même un petit peu lui couper la main. Oui, bon, bah, lui, il s'est fait bien pire, tu vois. À notre époque, ça se faisait comme ça, puis c'était bon. Ouais, nous, on se faisait cramer sur le bord des rivières de lave. C'est ça qui manque aux jeunes maintenant. Une bonne rivière de lave. Ah, les milléniaux. Ils ont détruit le fait de se faire découper. Moi, ma figure paternelle, il coupait des bras à tout le monde. Hein. Mais du coup, vous pensez que c'est un vrai élan paternel ou c'est du mytho pour l'attirer à ce moment-là du film? Non, je pense que, surtout si tu vois les comics Vador, le mec, il attend juste le bon moment pour tuer Palpatine. Il sait que les Sith, ça va deux par deux. Il se dit, je peux peut-être enfin trouver un apprenti et tuer l'autre vieux con. Et puis du coup, peut-être qu'il a un peu de nostalgie. Mais je pense qu'à ce moment-là, il est surtout sur la stratégie en mode, oh la vache, si j'ai un allié, je vais pouvoir prendre le contrôle du truc et je vais pouvoir enfin faire quelque chose de ma vie. Ouais, pareil que tu qui, moi. Et il veut faire quoi de sa vie? Pareil aussi. Enfin, il veut devenir l'empereur à la place de l'empereur. Et Kylo Ren, il a réussi. C'est Manuel Valls, en fait. Il a plus le bras. Oh non, t'as osé. Pas de bras, pas d'empire. Désolé, je le ferai plus. Un peu de respect pour Vador, quand même. Ouais, ouais. Non, il y a plus de classe, quand même. Bien, c'est que ça commence par... Je pense que les gens détestent moins Vador que Manuel Valls. Même parce que Vador, tu le présentes à une élection, il fait au moins 10%. Vas-y, Grouchkov. Plus, parce que t'aurais ceux qui votent pour lui pour se marrer, tu sais. Non, mais voilà, c'est bon, on a parlé de la révélation de Vador qui était justement, on arrive à la fin du truc, du fait que quelque chose auquel personne ne s'attendait à l'époque, et d'ailleurs, ça a eu une espèce de tollé, hein, les gens, ils refusaient d'y croire. À l'époque, c'était genre, il lui ment. C'est un méchant. Est-ce que tu crois vraiment tout ce que te dit le méchant? Tu vas encore parler de Kylo. C'est le fameux moment où Grouchkov parle de... Non, j'y ai pensé, mais je me suis dit, je vais rien dire parce que ça sert à rien. Mais, mais les gens disaient, ouais, tu crois vraiment que c'est son père? Et les gens répondaient, mais tu crois parce que les pères existent? Donc, dans la nouvelle de la Jedi, en fait. Et quelle est la vie de pigeon gratuit sur le fait d'avoir des enfants On l'emmerde. Ah, ça part en privé de joke, là. Ouais. Mais bref, donc les gens étaient pas contents du choix de scénario. Ouais, en fait, les gens, ils étaient vraiment pas contents. Il y avait des critiques professionnelles qui disaient que le film, il y avait pas de scénario, pas de développement de personnage, aucune émotion, aucun discours à faire passer ou quoi que ce soit. Ça me rend ouf. Ils disaient, ouais, c'est un très très beau film, mais il est complètement vide. Non, mais c'était Télérama. Irving Kirchner a ruiné Star Wars. mais je te jure, il y a des gens qui sortaient des trucs comme ça me rend ouf. Ouais. C'est tous les casques et j'allais dire le masque et l'enplume plutôt, le masque et la plume sur Star Wars à l'époque. Oui, j'allais parler de ça, oui. C'est tout à fait. C'est très rigolo. Il y a le casque et l'enclume qui est la version jeu vidéo qui existe maintenant, c'est d'où le vision. Oh. Qui est un hommage évidemment. Il y a le mic et l'enclume si vous aimez le rap aussi. Ah ouais. non, c'est une émission de Arte Radio sur le rap. Mais moi, je connais le marteau de la fausse époque, ça n'a rien à voir. Je connais pas de podcast comme ça, mais tu peux toujours en créer un, c'est bon. Mm-hmm. C'est bon, le nom, il est libre. Alors que, justement, voilà, enfin, c'est fou comme les gens, ils étaient super remontés contre le film à sa sortie, genre. Ouais, mais ça finit même pas bien. Puis Han Solo, qu'est-ce qu'il va devenir ou des trucs comme ça. Genre, avec aucun chill, genre ils se disent pas. Genre, il y aurait les mêmes que maintenant, en fait. Oui, j'allais dire, tu crois que c'est mieux maintenant ou... Mais non, justement, c'est ça qui. C'est ça qui est intéressant, génial. Ouais. C'est le film. Des épisodes de transition en général, en fait. Enfin, des films de transition. Mais c'est ça, en fait. C'est vraiment les films qui sont. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que c'est vraiment des films. Dans lesquels c'est surtout du développement de personnage justement qui passe de l'état dans lequel ils étaient à la fin du premier film et qui transforme meilleure version d'eux-mêmes. T'as pas de vraie conclusion scénaristique, tu veux dire que les gens restent sur leur fin dans tous les cas. Que tu adhères ou pas, tu restes sur ta fin. Il y en a qui frustrent plus que d'autres. Alors que voilà, l'épisode 4, il avait sa propre histoire contenue, quoi. Il pouvait fonctionner tout seul comme ça. Celui-là, au début, ils sont déjà dans la panade. À la fin, ils sont toujours autant dans la panade qu'ils étaient au début. Je pense que tu vas voir à la sortie l'épisode, ce film-là, l'épisode 5, tu vas le voir à la sortie en disant, tiens, j'ai entendu parler de Star Wars, je connais pas, je vais aller voir. T'es un peu largué. C'est ce qui se passe. Ouais, c'est le problème des épisodes de transition. Retour vers le futur 2, au final, c'est un peu comme ça aussi, tu vois. Mais, toutes les meilleures trilogies, en fait. Mais le gars aussi qui découvre que le mec qu'il essaye de buter depuis le début, c'est son père, et puis tout de suite, il est « Ouais, papa, c'est chaud quand même. » Puis après, « Ouais, Ben, t'aurais pu me dire que c'était mon papa. » C'est vrai qu'il change vite de discours. Donc tu vois, finalement, la main, c'était juste une bonne fessée. Là. Quelle horreur. J'adore le fait que Ben, ça soit un gros mytho. Enfin, j'ai beaucoup trop rire. Ouais, le mec, il est plus vénère contre Obi-Wan que contre Vador. Tu sais, il se dit « Waouh, c'est mon père. » Puis à côté, il est genre « Obi-Wan, tu m'as bullshité, en fait. » C'est pas Ben qui est là, ça tourne mal, prank. Et t'as Yoda qui est mort de rire, tu sais, à côté. D'ailleurs, le Yoda qui dit il y en a un autre, parlant d'espoir, c'est référence à Leia. À Leia, ouais. C'est sûr. Moi, j'aime autant que ce soit Leia. Hein. Après, peut-être que son espoir, c'était Ahsoka, vu qu'elle, elle est là en train de se toucher la nuque. Tu dis pas du mal d'Ahsoka. Commence pas. Chut. Non, c'est la faute de Dave Filoni, je suis désolé. Bah, arrête. Mais peut-être qu'il parlait déjà de Ben. Non, Ben... Ben Solo. C'est pas moi qui en ai parlé. Ben non, mais comment... enfin, non, ça marche pas. Elle est pas enceinte, Léa. Enfin... Ouais. Oui, mais l'avenir, ça, c'est... Ouais, il voit dans le futur avec la force. Il a dit mouvement, l'avenir. Moi, je dis que ça se tient. Vous partez un peu loin, moi, je dis. Mais... Ouais, moi, je trouve aussi. Faut noter les gars, genre Yoda et Obi-Wan, qui sont genre « Ouais, non, mais Luke, là, il est vachement pas prêt, il est trop colérique, il est pas patient, il est vraiment pas prêt à affronter ça. S'il y va, ça se trouve, il va devenir un second Vador, ça va être la merde pour tout le monde. Mais bon, vas-y, on te laisse aller quand même, mais vas-y, fais tes erreurs. » C'est trop les mêmes bails, ils se comportent comme son père et ils essayent quand même. Ils se disent « Bon, bah vas-y, tant pis. » Foutu pour foutu, de toute façon. Je vais y aller quand même. Bon, bah ok, bah je vais te préparer ton sandwich. De toute façon, on dit... De toute façon, Obi-Wan, il est mort, et moi, personne vient me voir sur ma planète, alors on s'en fout de la galaxie. Au pire, ils vont s'entretuer, c'est pas grave. Et du coup, par rapport à qui ça faisait référence, en fait, à la base, il y en a un autre, ils avaient mis cette réplique-là, mais c'était pas adressé à quelqu'un en particulier, c'était juste pour de faire penser aux spectateurs que Luke pouvait échouer et mourir à ce moment-là. Oh, c'est dégueulasse. Ça, c'est le vrai truc. Ça, c'est le vrai truc. Après, voilà, tu peux mettre l'explication que tu veux dans l'histoire. Parce que, évidemment, ils savaient pas que c'était Leia à l'époque. Enfin, que c'était la sœur de Luke à l'époque. Donc, voilà. tu fais le truc de... Non, mais en fait, c'était pour dire aux spectateurs que c'est l'espoir réside en lui. C'est lui, l'autre espoir. Le commun des mortels. Toi qui regardes ce film, c'est toi le spectateur, l'espoir. C'est la fin. T'as Yoda qui se retourne et qui pointe son doigt vers l'écran et qui fait un clin d'œil. C'est toi. Mais après, pour être gentil avec Yoda et Obi-Wan, c'est que ils se sont peut-être en fait rendu compte qu'ils ont passé. Enfin, c'était pas fait à l'époque parce que la prélogie n'était pas sortie. Mais ils ont tellement passé la prélogie, essayé de manipuler. À faire en sorte, par exemple, à dire à Anakin, hey, tu vas aller voir Palpatine pour vérifier ce qu'il fait et tout. Ils ont passé leur temps à manipuler les gens, à leur dire quoi faire et ils sont vus ce que ça donnait à la fin. Que là, ils se sont dit, bon, écoute, on va laisser la force, elle sait ce qui se passe. Donc, ouais, voilà, on va faire confiance à la force. C'est comme ça que je le vois, moi, quelque part. Yoda, il en avait juste marre que Luke squatte gratos. Il me pique ma bouffe, c'est bon, laisse-le partir. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Voilà. Non, mais j'aime bien ce que tu dis. Après tout, c'est ce qu'ils essaient de lui apprendre, en mode « suis la force ». Parce que c'est ce qu'il lui dit même dans l'épisode 4, au moment où il dit « désolé, je dois aller aider mon oncle, mon tonton à récupérer les patates ». Obi-Wan lui dit « tu vas faire ce que tu penses, tu vas faire ce que tu penses, c'est juste ». Donc c'est un peu le même, c'est un peu le même truc. Il lui dit pas « mais attends, non, on a besoin de toi pour aller libérer la galaxie ». Il lui laisse quand même le choix. En fait, c'est les vieux mecs mystiques qui disent des trucs au pif. Ah, ça fera sens à un moment. Voilà. Si on attend suffisamment longtemps, ça va se réaliser. Quand je le dirai, voilà, tu vois. Ça va lui donner à réfléchir, allez. Mais je vais venir, je vais faire, ouais, tout ça, là, tout ce que je t'ai dit, ouais. Mais ben, tu sais quoi, d'un certain point de vue, c'était pas con. Hein. D'un certain point de vue, c'est tellement l'excuse la plus pourrie du monde. Je trouve c'est vrai que c'était un peu foireux. Ça va jouer tous les jours maintenant. T'as sorti la poubelle d'un certain point de vue. On s'est appelé l'école d'un certain point de vue. Ça marche trop bien. Et est-ce que les gens acceptent ou ils t'envoient chier? D'un certain point de vue. Okay. Est-ce que vous avez des choses? Je regarde, voici un truc crucial. C'est toi qui 10 minutes? Oui, non, je regarde mes notes pour voir s'il y a un truc. Non, c'est parce que j'étais pas tout à fait en face de mon micro. Ah oui, alors ça, je me suis posé la question de. Il y a dans la scène où il y a Chewie qui envoie. C'est dans la scène où ils vont geler Han dans la carbonite et qu'il y a Chewie qui envoie chier tout le monde. Et on voit Boba Fett là qui s'apprête à lui tirer dessus et il y a comment il s'appelle, Vador qui lui baisse son flingue. Oui, j'ai vu ça, oui. J'ai pas compris. Est-ce que c'est un élan d'humanité ou... Non, il y a que moi qui tue des gens. Tu me les laisses, s'il te plaît. En fait, apparemment, il voulait les emmener sur son vaisseau ensuite. C'est ça. Donc, C'est peut-être pour... C'est vrai que sur le coup, ça fait bizarre. Bon, ça va, ouais. J'ai tiqué aussi. Des otages, donc... Moi, je me suis dit, peut-être il veut se faire un tapis en peau de Wookiee. Il veut pas des trous dans son tapis. Attends, il y avait Spear qui disait... Pardon, quand je dis des fois, on a des bonnes raisons de garder quelqu'un en vie un peu plus longtemps. Un peu ça. À long terme. Le mec, tout le long du film, il tue des gars de son camp, il voit que quelqu'un, pour une fois, le fait à sa place et il le laisse faire, tu sais. Ça, c'est un pote, ça. C'est le grand mec qui dépasse tout le monde de trois têtes. Il me fait penser à moi. tout poilu comme ça. Il a les poils que j'aimerais avoir. Mais okay. À part ça, non, je crois que tout le reste, on en a déjà parlé. Le I know, enfin je sais, vous en pensez quoi de Solo quand Leia lui dit je t'aime, je sais. Moi je l'aurais poussé. Bof, mais... meilleure réplique possible évidemment. Moi je trouve que ça. C'était improvisé. Genre on se prend la tête depuis le début, mais on sait qu'on s'aime, c'est ça. Non, mais ça va avec son personnage de. Exactement, c'est un petit peu mental. Il s'est rendu compte que c'était trop gnangnan de dire moi aussi je t'aime et que ça correspondait pas, quoi. Oui, et puis surtout ça va avec le côté du personnage qui essaye toujours de garder la tête haute même quand il est dans la merde et qu'il est humilié et tout, qui essaie toujours de faire genre non, c'est bon, j'en suis sorti, t'inquiète. Ouais, non, je suis d'accord. Et puis il faut le mettre dans la perspective du 6 où les rôles sont inversés. Mmh. Oui. Mais là, quand il accepte enfin de laisser parler, c'est lui qui le dit. Mais même au sein de ce film-là, justement, comme on a dit tout à l'heure, un petit peu son but dans le film à Han, c'est de faire avouer à Leia le fait qu'elle l'aime, parce que lui, il le sait déjà, tu vois, il veut juste qu'elle... Oui, enfin, se faire plonger dans la carbonite exprès... On sait très bien comment vous êtes, les hommes, hein. On est un peu excessif parfois. Non, mais c'est ça, c'est un mec, hein, veux dire. Il faut que ce soit spectaculaire, sinon ça vaut pas le coup. C'est un bébé, c'est pas un mec, c'est un bébé. Oui. Bah ouais. D'ailleurs, même Harrison Ford. Je pense que c'est aussi le côté, il a pas envie de chialer devant elle et il est en mode, ouais, non, si je lui dis je t'aime, c'est mort, je vais pleurer, alors. Ouais, je sais. Enfin, le mec, il pense qu'il a crevé, tu vois, donc. Il a ce bonhomme jusqu'au bout. C'est ça. Après, t'as ce que t'as fait, moi, non. Ah, tu m'aimes, ouais, t'as raison, je sais. Ouais, Qui ne m'aime pas? Toi, tu m'aimes, je te rappelle que j'ai un zizi, alors je ne peux pas te dire la même chose, mais. Mais alors après, ça dépend aussi des gens. Moi, j'avais vu notamment des trucs, je crois que c'était pour un anniversaire du truc, et j'avais vu il y a aussi des gens à qui ça plaît. Le côté, justement, vaut rien, c'est ça le bon en fait. Merci Vesper. Le côté justement, voilà, vraiment dur à cuire. Il y a des gens qui aiment bien et c'est complètement dans ce délire là. Moi j'aime bien qu'elle m'explique Vesper parce que moi j'aime bien Solo depuis Solo. Mais c'est compliqué. Tu veux que je t'explique quoi, pourquoi les gens aiment bien les Vauriens? Oui, ou en tout cas Solo, oui. Ouais, c'est vieux comme le monde. Les gens aiment bien les rebelles au grand cœur, tu vois. Il fait un peu le malin et puis au final il file quand même un coup de main, il devait partir et au final il reste la traite comme un gros bouffe pendant tout le film. Ah bah ça mon pauvre, c'est l'histoire de l'humanité des relations, si je dois expliquer tout ça, on n'est pas sorti. Hein. De toute façon, c'est ça, c'est ce qu'on racontait au début de l'émission, c'est l'histoire du ces jeux du chat et de la souris, c'est comme les garçons qui tirent sur les tresses des filles à l'école pour faire comprendre qu'ils les aiment bien, donc c'est tout. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et en plus, il y a le côté un peu cliché de à partir du moment où lui, il va être un peu méchant avec des guillemets, c'est le trope de la nana qui va se dire OK, je vais le rendre sympa. Et donc, du coup, c'est à moitié le syndrome de l'infirmière, à moitié tout ce que tu veux, où la fille va se donner pour mission de le changer aussi. Faut pas oublier aussi que c'est... Enfin, puisque du coup, ça plaît pas forcément à tout le monde. Regarde, moi, c'était pas du tout mon kiff, Han Solo. Et faut pas oublier aussi que c'est écrit par un gars et que du coup, il y a souvent cette vision du gars que... Faut avoir le côté un peu badass et tout, un peu invulnérable et en même temps à l'intérieur t'es tout tendre et c'est ça la femme de ta vie, elle doit ressentir ça et tout et comme ça tu pourrais être ouvert. Fin... Je sais que ma femme déteste Solo par exemple. Le film ou le personnage? Les deux. Non, le film. les deux. C'est plutôt sain. Comment? Désolé. En vrai, c'est plutôt sain de pas l'aimer, tu vois. Ça me choque pas. Oui, non, c'est sûr. Il y a un moment que j'aime bien, j'y repense, mais c'est le... Ah, si c'était pas Harrison Ford. Non, j'ai dit, enfin, et si pareil, c'était pas... Ah, ça marche parce qu'il a la bonne bouille. Peut-être qu'un acteur qui aurait eu une gueule complètement différente ou si tout simplement ça avait été genre Mark Hamill, si on avait inversé, ça aurait pas eu le même effet. Et si ça avait été Alden Ehrenreich? Ce nom. Bah, en vrai, pour le coup, moi, Solo, je peux pas... lui reprocher d'avoir mal fait son boulot, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Et son boulot de mimétisme n'est pas dégueulasse dans le film. Ah, je suis content. Non, mais j'aime bien taquiner là-dessus. Je trouve qu'il fait vraiment, vraiment, vraiment bien le taf, en fait. C'est pour ça. Ah ouais, là, vraiment. Pour le coup, je vais pas faire de solo trashing. Hein, donc, Non, mais on n'est pas là pour ça, déjà. oui, non, mais je précise, on sait jamais, parce que c'est pas fait. Non, nous, on a fait un épisode de 2h30 pour dire qu'il était pas si mauvais, alors... Oui, j'ai compris qu'il était même plutôt bien. Il était même bien, ouais. Amical. Rien d'en parler, je... Mais, ouais, mais c'est marrant, justement, que dans ce film-là, il est vraiment devenu encore plus populaire qu'avant. Anne, justement, j'avais préparé un truc pour une autre émission où vous faites qu'il y avait vraiment une guerre entre les fans de Luke et les fans de Anne. C'était terrible. C'était comme maintenant, mais voilà, c'était entre guerre. Ces deux personnages-là. Ah, non, genre, parce qu'il les shippait. Les Luke et Anne Leia. Je sais pas comment oui, dire. C'est ça. C'était pour Anne Leia, c'est Scoundress entre Scoundrel et Princess. Ah, ça sonne mieux. Ça sonne mieux. Bah, les autres, j'ai pas trouvé le nom du ship Luke et Leia, mais oui. Quelle l'inventé. Ça s'appelle Brother ou Incest. Siblings. D'ailleurs, la plupart des fans de Han Solo ont été vraiment en colère justement parce qu'il était beaucoup moins important dans l'épisode 6 que dans l'épisode 5 où il était vraiment central, sa relation avec Leia est vraiment centrale. C'est ça qui me fait rire dans les mecs qui disaient à l'époque qu'il y avait aucun développement de personnage parce que c'est que ça le film. Je reviens juste sur Leia et Anne, il y a juste un petit bout de scène que j'aime beaucoup, c'est le moment où justement il se décroche du destroyer et elle lui dit vous avez des bons moments parfois, et lui fait un petit bisou sur la joue. Je trouve que c'est un des meilleurs moments de leur relation. C'est adorable. Oui, voilà, parce que pour une fois, c'est pas lui qui la coince dans un coin en mode embrasse-moi. Ouais, comme un gros, gros bourrin. Ils font beaucoup de bisous dans ce film-là. J'adore cette 3PO pour son intervention. Oui, et Leia qui se barre en douce en mode, en mode petite souris, en mode ouh. Je suis trop gênée, tu sais, hop, je m'éclipse, comme ça j'ai pas à faire la discussion awkward après le premier bisou. Et j'en souviens, il me semble qu'elle a la même chose un petit peu avec Beckett, quoi, qui se pointe au même moment aussi. Ouais. Juste oui. Ouais. Fun fact, c'est la même pièce. Oui, je savais que t'allais lire. Ouais. J'en étais sûr. La pièce avec toutes les capes de Lando dans Solo, c'est la même pièce que celle où ils s'embrassent. Elle a bien changé. Ouais, mais c'est un bon port. Putain. Dégueulasse. Et je t'ai dit, moi, je mets des mouchoirs partout si je dois m'asseoir quelque part là-dedans. T'imagines, c'est vos toilettes, il faut tout tapisser avec des morceaux de PQ et tout. L'horreur, non, je crois pas. En fait, le faucon, c'est devenu des toilettes d'autoroute. Quelle horreur. C'est le camionneur. Alors attendez, sur un sujet différent, on avait terminé avec Vador, mais juste un truc qui me vient à l'esprit. En dehors des deux trois mots que Obi-Wan avait évoqué dans l'épisode 4, c'est la première fois qu'on parle du côté obscur de la Force et qui nous dit qu'il y a des que Vador nous explique qu'il y a des spécificités des pouvoirs. Du côté obscur de la Force, que c'est pas exactement la même chose que les Jedi. C'est pour le coup, pour le lore, pour l'univers, ça j'avais trouvé ça cool aussi. T'es sûr que Obi-Wan aborde pas ça rapidement quand il parle de Vador au tout début? Bah, il me semble qu'il dit voilà, il a succombé au côté obscur. Ah oui, voilà. Oui. Vador lui vend le truc en lui disant il y a des trucs que tu pourras jamais faire en suivant les Jedi. Mais même Yoda lui dit hein, c'est plus facile, plus tentant. Ouais, pareil, ouais, ça aussi, ouais. C'est vrai que pour le coup, voilà, là, on commence vraiment à voir l'introduction de la dualité côté obscur, côté clair. C'est pas exactement la même chose, et ça implique des conséquences. Et ça, voilà, pour le lecteur avide de trucs style Wikipédia qui aime bien regarder les détails du truc, c'était vraiment kiffant à redécouvrir. Ouais, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais c'était. Yoda aussi, il en parle. Alors, moi, ce qui m'a juste pour revenir là-dessus, parce qu'on a oublié d'en parler, ce qui m'a fait marrer, enfin, on a rigolé tous les deux, Grushkov et moi, c'est Ben quand Luke saute dans le faucon, pas dans le faucon, dans le X-wing, et t'as Ben qui le regarde et puis qui lève ses mains comme ça, oui. Puis il y a un blanc, puis oh, calmos les amis. Il y a plusieurs plans très étranges comme ça où les gens bougent bizarrement. C'est pareil sur Hoth pendant la bataille. Il y a un plan sur un mec qui est comme ça, il pivote comme ça, comme s'il était sur un truc qui tourne, tu sais. On dirait pas un être humain. Les gens, ils te voient pas. Ça, sans... Tu sais, il tient un truc dans sa main comme s'il prenait des notes, tu sais, comme un scientifique qui ferait un rapport. Et puis, il pivote sans bouger ses mains ni rien. Juste le haut du corps qui voûte. Et il y a juste un plan rapide là-dessus sur le mec qui pivote et puis après ça repart sur la bataille. Oui, c'est trop bizarre. Mais de... sinon, c'est le plus beau. J'ai l'attention au détail. J'aime beaucoup la base de Hoth, enfin les scènes de Hoth. Ouais. Et absolument rien à voir, mais je crois que Carrie Fisher avait juste fait le déplacement juste pour traîner avec eux en fait, traîner avec Luke et enfin avec Mark Hamill et Harrison Ford. Elle avait pas de scène d'extérieur, mais elle était venue exprès. Histoire d'avoir aussi la veste exclusive machin, mais il y a des photos d'elle dehors en Norvège en train de prendre le soleil, mais elle avait pas de scène à faire dehors. Elle est juste venue comme ça, histoire d'être avec eux. Et tiens, quand on parle de Hoth, moi je sais plus qui avait dit qu'ils aimaient pas du tout les Snowtroopers. Moi. Alors qu'ils sont méga stylés, oui, franchement, j'adore ce truc. Qui aime pas ça? Qui ne peut ne pas aimer les Stormtroopers? Mais ils sont trop trop stylés, là, justement, avec cette espèce de grand casque comme ça, là. Et moi, je trouve qu'on dirait le Ku Klux Klan, les gars déguisés en fantôme. Non, ils passent trop trop bien, je veux dire. Ça, en plus, ça semble vraiment pensé. Ils sont impressionnants, c'est sûr, mais. Ça semble vraiment pensé pour. Enfin, c'est cohérent, ça semble vraiment pensé pour l'environnement et tout. Ça te met dans l'ambiance et tout. Moi, Ku Klux Klan, ce que j'aime, c'est le soin apporté au truc. C'est-à-dire qu'on a le général qui est dans le Super Star Destroyer à qui on dit d'attaquer au sol. Et après, tu le vois lui au sol avec ses troupes, machin. Enfin, je trouve ça, il y a quand même il y a un soin quand même qui est apporté à ce niveau-là, quoi. C'est, ça n'a l'air de rien. C'est des petits détails qui font que ça fait tout. C'est comme reparler de Wedge de 3-4 ans après dans ce film-là, quoi. Ça permet d'avoir un tout cohérent. Un des trucs qui est marquant et que je trouve rajoute un plus au film, c'est aussi le copilote de Luke dans le Speeder qui meurt. Genre t'as le gars, il lui parle, non ça va aller tout, et d'un coup le mec il est mort et le gars il continue son truc avec le cadavre derrière, et ça rajoute du réalisme au truc de guerre, tu sais. Ouais, c'est glauque, mais justement c'est glauque d'un coup, ouais. Et c'est le truc où ça te montre que c'est pas tout rose, quoi. C'est une bataille, et après t'as Luke, il va se faire écraser, mais il essaie quand même de sauver le mec parce qu'on sait jamais, le gars ça se trouve il est pas mort, enfin tu vois. C'est ça fait vraiment le truc de le réalisme de la guerre en mode ouais, c'est pas joyeux, quoi. Tiens, en passant, le stop motion généralement de toutes ces séquences-là, ça passe chez vous ou c'est un petit peu trop un peu daté avec les tone-tones, tout ça? Ah, ça a son charme, c'est quand même stylé. Moi, j'aime bien. Perso, j'aime bien. Ça, les tone-tones sont ceux qui se détachent le plus du truc où tu vois vraiment l'effet faux, mais ça marche quand même parce que ça va avec la créature. Tu dis que ça se trouve la créature, elle est chelou, elle est, elle est bouillée. Moi, ce qui me bluffe, c'est la sonde, le droïde sonde. Marche ouais. Trop bien. Ah ouais. Encore maintenant. Moi, je pense qu'il faudrait en fait demander à quelqu'un qui le regarde vraiment pour la première fois, mais surtout qui est habitué aux créations, au code actuel, parce que nous on le regarde et on kiffe parce que on aime Star Wars et on a un petit côté nostalgique qui fait qu'on est influencé. Donc voilà, c'est plutôt à quelqu'un de plus jeune qu'il faudrait demander, à mon avis. Quand on aura fait regarder nos enfants, on reviendra vers vous. Ah voilà. Non mais eux, ils acceptent déjà. Ouais, tout. Oui, vous les élevez bien, vos gamins, voilà. Ils ont les bonnes valeurs. Okay. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a fait le tour ou pas? Moi, je voulais parler de Leia aussi parce que je vous l'ai dit avant qu'on enregistre et on en a pas reparlé depuis. Mais j'aime bien le fait que son personnage est pas traité 100% sur l'aspect c'est une femme. Parce que, comme je vous le disais, il y a un truc qui est souvent fait quand il y a une femme comme ça en position de pouvoir et tout, c'est que t'as forcément un gars où on va montrer que c'est un gros relou, et c'est un gros relou parce que c'est le gars qui va voir la fille qui fait « Oh ouais, mais non, je remets en doute ce qu'elle dit parce que c'est une fille. » Et là, il n'y a pas du tout ça. Ben non, parce que quand elle prend des décisions et tout, il écoute, il lui dit pas « Maintenant, t'es une meuf, t'y connais rien. » À un moment, il la respecte quand elle prend ce genre de décision après quoi. Il lui laisse piloter le faucon. Il y a un moment, lui et Chewie, ils se barrent à l'arrière et c'est Leia qui pilote. Alors que c'est pas. C'est pas. Oui, c'est pas une pilote. C'est que c'est pas le général Rican qui gère l'évacuation jusqu'au bout. C'est elle, la dernière encore en place, à dire au dernier mec, bougez, cassez-vous. Et puis. C'est parce que Anne vient la chercher, mais sinon, c'est elle la dernière, quoi. C'est pas Rican. C'est ça, elle est là jusqu'au bout, jusqu'au dernier, elle comptait partir en dernier, et c'est juste Anne qui vient, qui l'attrape, qui fait « Non, en fait, je t'aime, mais je veux pas le dire, du coup, je préfère que tu crèves pas tout de suite, tu vois. » Et qui fait « Ouais, non, mais c'est bon, là, j'en ai marre, je me casse. » Puis il revient « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Non, mais je te déteste, viens avec moi, s'il te plaît, viens, on sortait. » Et puis après, tu sais, il gère tout, genre, il prévient tout le monde « Moi, je peux pas vous l'amener dans le vaisseau dans lequel c'était prévu, je la prends avec moi, vous inquiétez pas, hein. » Jean-François. Alors, c'est vrai que... On parle de ça, parce que Vesper elle a teasé un petit peu l'enregistrement avant, et il y avait un truc qui me disait quelqu'un pensait que c'était le traitement de Leia était tout sauf badass, et l'impression de voir une. Oui, j'ai pas encore eu le temps de répondre d'ailleurs, bonne remarque. Je trouve pas du tout, parce que. Enfin, je trouve pas qu'elle soit pas badass, justement. C'est pas parce qu'elle fait pas des trucs super ouf qu'elle est pas badass. Au contraire, elle gère toute une équipe avec que des mecs, hein, c'est la seule meuf à chaque fois. C'est elle qui gère l'évacuation, c'est elle qui dit aux gens « Ok, vous occupez de telle partie, elle est là jusqu'au bout, elle est prête, enfin, elle est sur le terrain jusqu'à la dernière seconde. Ouais. » Très peu de personnages féminins dans la trilogie originelle, mais en attendant, on peut pas reprocher à Leia d'être mal écrite. Elle est vraiment, elle se débrouille très bien et dans tous les sens du terme, quoi. Même après tout ça, c'est encore elle qui gère tout après la congélation de Anne. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. C'est elle qui prend les choses en main après. C'est elle qui mène tout le monde. C'est elle la chef. Hein. Oui, même sur son autorité en fait. Hein. Oui, ouais. C'est elle la chef. Et même sur Bespine, t'as Anne qui est genre, oh ouais, mais c'est mon amie. Enfin, on va bien voir. Et elle est en genre, non mais attends, moi je lui fais pas confiance. Écoute, tu vas m'écouter un peu parce que t'as l'air pas très objectif. Et elle chapeaute tout. Regarde, c'est elle qui fait, attends, il y a pas ces 3 PO. Enfin. Alors que l'autre, il est en mode, c'est bon, on est chez mon pote, on est posé. Et elle garde la tête froide, elle a les yeux partout. Bah justement, le seul point, disons, qui viendrait contredire ça, et qui m'a choqué parce que c'était au tout début, c'est dans le panneau, le texte d'introduction au tout début du film. Oui, c'est Luke qui a dirigé la rébellion pour les installer sur le truc, alors que jusqu'à présent Luke il gère pas trop les trucs, ouais, donc non. ça m'a vraiment fait marrer. Moi ça m'a saoulé, ouais. Et ça et le fait que Luke dans la bataille c'est celui qui a l'idée de faire le truc machin, alors que le gars c'est pas un militaire. Bah encore ça, on peut pas le contredire, ça se passe vraiment devant nos yeux. Mais par contre. Oui. Tout l'aspect tactique, prendre la décision, on va déplacer la base. Ça, c'est vrai que. Surtout que Luke a jamais eu un rôle hyper important. C'est pas un général de la rébellion, c'est non, pas rien de tout ça, en fait. Justement, le film au tout début, et après ça va mieux, fait genre ce qui revient trop souvent, c'est que quand t'as un mec qui est un peu le gars qui sort du lot, genre le magicien, un truc comme ça, ça va être lui à qui il arrive tout, tu vois. Ils avaient un peu ce biais-là dans le 4, genre c'est lui qui se fait choper dans la poubelle, enfin, tu sais, c'est un peu le syndrome Harry Potter, c'est toujours lui ou Frodon. c'est à lui qui arrive tout le bordel. Et là, au début, ils avaient un peu ce truc-là dans le 4 avec c'est Luke qui prend la décision, puis c'est Luke qui est le meilleur pilote pendant le face au TBTT, etc. Et après, ils abandonnent et après, c'est Luke qui se fait défoncer la gueule parce qu'en fait, il était nul. Mais je trouve ça bien d'ailleurs que ce soit pas Luke qui soit le meilleur que TBTT. Ouais. Hein, c'est plutôt rafraîchissant. Il se débrouille autrement, clairement. Mm-hmm. Hein, il fait autrement, mais il est pas non plus invincible. Voilà, c'est plutôt. Bah, quand même. Ouais. Là, je vais sortir ma phrase signature. Je vous trouve un peu dur. voilà, le mec, bon, s'il se fait défoncer, bah voilà, ça arrive, c'est la guerre. Mais autant voilà, je suis d'accord sur tout le fait que voilà, le mec, il est pas c'est pas un tacticien. Il prend pas des grandes décisions, mais je trouve qu'il se défend bien quand même dans son vaisseau, voilà. Prendre dans le feu d'action, il se débrouille, mais après voilà, c'est pas le mec qui va avoir les grands plans avec les grandes visions. C'est ça, et c'est pour ça que c'est un peu saoulant que dans l'opening scroll, il soit genre, c'est lui voilà, qui s'oriente là. Je suis complètement d'accord. D'où il connaît Hoth. De façon générale. Mais il est jamais sorti de sa ferme. Est-ce qu'on pourrait dire maintenant que de façon générale, l'opening crawl, il est pourri? Bah, je me rappelle pas de tous les détails du texte. On te parle, en tout cas en français, on te parle d'escadrille cosmique. Je sais pas. C'est charme. C'est clair. Ils avaient marqué flotte, c'était réglé. Moi, je trouve que de façon générale, j'ai toujours dit, hein, l'opening crawl, il me saoule, j'aime pas ça. Mais en plus, le texte est généralement pourri. Ah bah non, c'est génial, au contraire. Il est nanar, quoi. Mais c'est tout. Oui, voilà. Au deuxième degré. Oui, c'est ça. Ouais. Dans l'opening scroll, il te dit le groupe des combattants de la liberté, guidés par Luke. Ouais, mais il les guide dans quoi? Il est jamais sorti de Tatooine. C'est un. Je pense à ce moment-là, vous faisiez un previously façon série Netflix, c'est déréglé. Enfin. Mais sinon, voilà. Sinon, après, ben, justement, c'est Leia qui est à la tête de tout, et tu vois que c'est elle qui tient la barque à flot parce que. Ce qui est logique, parce qu'elle, voilà, elle est sénatrice, elle a l'expérience de ce genre de truc. Et plus. Elle est générale. Ouais, alors, du coup, je pense que c'est aussi le côté argument d'autorité, effectivement, rajoute, quoi. Ouais, elle se fait carrément respecter, ta Lando. D'ailleurs, j'adore Lando, il teste. Tu sais, quand ils sont dans le faucon à la fin avec Lando et Chewie et qu'elle entend Luke, elle fait « Ouais, attends, il y a Luke, il faut qu'on retourne. » Et t'as Lando qui essaye de tester, voir à quel point elle a de l'autorité et à quel point lui, il peut avoir la main dessus. Et puis, elle l'envoie péter. Il fait « Ok, c'est bon. » Puis, il se retire un peu en arrière, tu sais. C'est bon, il a compris. Ouais, faut pas la chercher. Parlant de Leia, vite fait, je voulais juste dire, je trouve que ses costumes sont magnifiques. C'est son meilleur film. Ouais. C'est, bah, surtout quand après, t'as le suite. Superbe. Elle est très belle. Sa tenue sur Hoth et sa coiffure, enfin, ça marche trop bien. Mmh. C'est ma préférée. Ouais, pareil. J'insiste là-dessus parce que je pense qu'on va en parler pour l'épisode sur le prochain film. Richard Marquand disait de la merde. Mais je trouve qu'elle est magnifique. Ouais. Ouais. Ah oui, l'autre con, là. Oui, bah justement, pour parler du gars qui disait que, enfin, sur Twitter, là, qui disait que elle avait l'air trop princesse et truc, alors que pas du tout, c'est elle qui sauve le cul de tout. C'est pas l'autre con, peut-être qu'il a pas interprété. Justement, c'est parce qu'elle était pas assez princesse en détresse et qu'elle prenait trop les trucs en charge que dans le 6, elle a été ultra sexualisée à cause de ce gros blaireau de merde qui a dit, c'est pas assez une femme. On reviendra dessus quand on parlera du 6. Mais justement, c'est parce que dans le 5, elle était trop badass, elle faisait trop générale de guerre, elle était pas assez femme en détresse. Et pour le coup, faut pas s'en prendre trop à Lucas, voilà. Hein, lui, son délire, c'est les Twi'leks. Mais pas forcément les princesses. Elle est générale de guerre. Mais juste dans le 5, elle gorge, hein. Dans le 5. Ouais, c'est tout. J'ai pas entendu ce que t'as dit, Vesper. Allô? Lucas, il est juste anti-soutien-gorge. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais, non, vraiment, Leia dans ce film, elle est, je trouve qu'elle est superbe. Ouais. Et on n'a pas parlé de Boba. Si, j'ai essayé d'en parler un peu. Je veux parler un peu. Je veux, puisqu'on fait un épisode là-dessus, je veux qu'on m'explique pourquoi, enfin, comment des gens ont pu s'enticher de Boba Fett à ce point-là. Expliquez-moi, je comprends pas. Bah, on a dit, c'est voilà, le mec, il capte tout mieux que tout le monde. Mais et puis il a son. Phrases. Mais il n'y a pas besoin. Je regarde les films avec Clint Eastwood. Clint Eastwood, il parle pas beaucoup. Mais il a un charisme comme ça, le côté voilà le mec qui planifie tout, qui se fait pas prendre au dépourvu, ça c'est un côté cool. Mais il a un casque. Bah c'est pareil, voilà, c'est à mon avis c'est complètement ça, c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle de sur Mandalorian, on parle vraiment d'un espèce de western dans l'espace, c'est pareil, c'est les c'est ce le charme de ces personnages qui sont un peu qui parlent pas beaucoup, qui sont pas très expressifs mais qui sont vachement sûrs d'eux, ça a un côté rassurant finalement, les il y a des gens qui voudraient être comme ça, voilà, qui ont cet idéal de je sais pas, de virilité, d'être le mec qui dit rien mais qui en impose, qui a pas besoin d'en parler pour en imposer. C'est complètement ça, voilà. C'est encore un idéal de mal alpha, un peu pourrave. Ben oui, voilà, oui. On peut le trouver cool, mais faut pas non plus exagérer, voilà. Il est pas, c'est pas la seule manière d'être cool. Moi ce que je retiens, c'est que la scène où Solo est embarqué dans le Slave One est magnifique. Le matte painting, je pense qu'il y en a un derrière. Superbe. Mmh. Et j'aime bien la scène aussi où t'as tous les chasseurs de primes comme ça qui sont à bord du vaisseau impérial. Les mecs sont là un petit peu gênés, tu sais, un petit peu genre crado et tout. Ils sont pas à l'aise, tu vois. J'aime bien ce passage-là. Voilà. Mais juste pour revenir, voilà, sur Boba, je comprends pourquoi des gens se prennent un kiff dessus. Mais après, ça ne le justifie pas forcément, et surtout, sûrement pas que c'est la seule manière d'être cool. C'est ça, en fait, le problème. C'est de se dire, c'est que la seule manière d'avoir un personnage cool, c'est d'avoir un personnage comme ça. Mais est-ce que la hype autour de ce personnage est venue de là, ou du 6? Bah, non, la hype, elle est déjà là. Bah ouais, Ou du Only the Special. Ouais, franchement, mais un des meilleurs amis, il est Boba Fett sexuel, hein, vraiment. Hein. C'est vraiment sa grande passion, hein. Et le coup, c'est pour toutes les raisons que vous avez évoquées, ça marche très très bien. Bah voilà, si les gens sont curieux, ils ont écouté l'épisode précédent sur le cosplay. Voilà, comment peut-on aimer les Mandaloriens sans passer par Boba Fett? Il y a Rebels et il y a Sabine qui est la meilleure, voilà. Mais oui, voilà. Mais oui. Voilà. Ça fait plaisir. tu passes une bonne soirée. Vivement le mois de novembre aussi. Mm-hmm. C'est Pedro Pascal quand même, ouais. Il est chaud. Oh oui. Pardon, t'as dit Pedro Pascal, moi je. Pardon. Et si je dis Diego Luna? Écoute, oui, aussi. Vraiment, là on est en train de partir vraiment ailleurs. Est-ce que vous avez vraiment fini? Est-ce que Vesper, tu as d'autres choses à dire sur le film? Parce que. Non, je pense qu'on a fait pas mal le tour quand même en 2 heures. Soit la durée du film, donc on est pas mal, hein. On est pas mal. On n'a pas fait du scène par scène en plus. On va commencer à conclure tout ça. Du coup, est-ce qu'il est toujours aussi bien ce film? Évidemment. Je pense carrément. On va pas faire un tour de. Voilà, oui, ça va aller vite, hein. Oui, carrément. C'est vraiment cool. C'est pas mon préféré à moi, mais il reste vraiment toujours dans le. Mais on sait pourquoi c'est pas ton préféré. Et c'est au moins le deuxième, je pense. C'est parce que Grushkov, il est Kylo Ren sexuel. C'est pour ça. Oui. Chacun son truc. mais maintenant, j'aime bien Harrison Ford aussi. Comme quoi. Vesper, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver sur tout ce petit monde d'Internet? Alors, le plus simple, c'est Twitter. Donc, c'est @wonder_Vesper. Pareil sur Instagram, en attendant de me retrouver sur la chaîne YouTube qui s'appelle Les Chroniques de Vesper, quand j'aurai le temps. Et autant dire que j'ai plus beaucoup le temps en ce moment. Donc, Twitter, c'est le plus simple. J'ai regardé ton épisode sur... ton documentaire sur Lara Croft. C'était très cool. Ah, oh, merci, c'est gentil. Récemment, là. C'était comme ça que je t'avais découverte quand tu l'avais sorti. Allez. Ah bah merci, bah ça me fait plaisir. Écoutez, tant mieux de découvrir pas un truc dont j'ai pas honte, donc c'est bien. Et puis aussi, t'es invité dans pas mal d'autres podcasts de temps en temps sur des thématiques de pop culture. Oui, bah effectivement, oui, bah j'en ai encore fait un la semaine dernière sur le Lemon Adaptation Club sur Transformers, parce que j'aime aussi les voitures et les mini shorts. et celui d'avant, justement, j'étais allé chez Outrider, donc je pense que oui. C'est bon, j'ai fait tous les côtés Star Wars là. Ouais, bah d'ailleurs on avait eu Phobos de. Oui, j'ai vu ça. Donc ouais, ça avait fait, c'était trop drôle parce que déjà avant que tu ailles chez eux, on voulait déjà t'inviter et on avait vu ça et on avait fait oh non, ils l'ont fait avant nous, on va pas pouvoir, je vais pas vouloir venir dans un autre truc. Tout va bien, on a fait des thématiques différentes en plus, même pas eu de redites. Ouais. Non, c'est ça qui est bien. J'ai tourné une vidéo sur Star Wars 7 et Blade Runner, mais que j'ai toujours pas sorti. Est-ce qu'on profiterait pas d'avoir Vesper avec nous pour lui demander son avis sur l'épisode 9? 9? Ce qu'on en a vu, en tout cas. Ah oui. Alors, je vais vous décevoir, le dernier trailer, je refuse de le voir. Ah. Parce que Je fais ça depuis le 7, où en gros, je regarde le premier teaser, le premier trailer, et je stoppe tout. Je mets des œillères et je reste comme ça jusqu'à la sortie du film. Donc, j'ai fait ça pour Force Awakens, pour Rogue One, pour le 8, Solo. Si, je crois que je fais pour Solo. Ça m'a l'air plutôt sain. Ça m'a l'air assez sain. C'est plus sage. Ouais. C'est ça. Donc, du coup, au moins, au niveau de mes attentes, c'est un peu plus simple à gérer. Et on va dire que les plans stylés, je les découvre dans le contexte. Donc, c'est un peu mieux. Surtout que là, en fait, on remarque bien quand même... Surtout avec Star Wars, qu'au final, ils te font des trailers et la moitié des plans sont pas dans le film. Ils aiment bien faire des petits rôles comme ça. Ouais, mais en plus, ça me sort plus du film qu'autre chose parce que du coup, tu vas avoir vu tel plan stylé dans le trailer, tu vas t'attendre à le voir dans le film, donc du coup, tu... Tu vas passer le film à chercher le plan que t'as pas vu. C'est ça, tu vas chercher le plan et quand il y en a un qui vient, t'as retrouvé le plan, donc du coup, t'y penses et tu repenses au trailer et, enfin, voilà, c'est moins sympa, je trouve. Donc, mais là, du peu qu'on a vu, du coup, du peu que j'ai vu. Du peu que t'as vu. Évidemment, je l'attends comme le Messie. Après, le très peu, vous parlez à quelqu'un qui est extrêmement fan du 7, encore plus du 8. Tu as parlé avec nous. du coup, là, le 9, on va dire que le très peu de réserve que j'avais sur les deux épisodes-là, eh ben, on verra une fois que la conclusion sera arrivée. Donc. On verra. Ça peut être formidable comme ça peut être catastrophique et un peu gâcher les deux autres. Donc j'ai très peur. Nous, évidemment, vous pouvez nous retrouver sur Twitter aussi @fauconpod, tout attaché évidemment, et Faucon Millennial sur Facebook, sur YouTube. Je vais bientôt reposter les épisodes qui manquent. Faut que j'installe Vegas et ça fait longtemps que je l'ai pas installé. Xivnut, on peut nous retrouver partout. Ouais, maintenant même je pense qu'on a vraiment couvert toutes les plateformes, hein, à moins qu'il y en ait des nouvelles qui ouvrent dans les dernières semaines. Mais est-ce qu'on est encore sur la Magellan? Je vais dire que vous pouvez nous retrouver sur Magellan. Je sais pas en parler. Parce qu'on leur a demandé de nous enlever, mais je sais pas s'ils l'ont fait. Je sais même pas en parler. Non, par contre, ouais, non, ça marche. On commence à avoir des reviews sur iTunes, là. On commence à avoir des notes. Donc, voilà, continuez, les gens. Ça fait plaisir, ouais. Pour l'instant, on a toujours 5 sur 5. Donc, continuez. Yeah. En tout cas, c'était super. Merci beaucoup, Vesper, d'avoir été avec nous ce soir pendant. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. C'était grave bien. Mm-hmm. Ouais, nous, ça nous a fait plaisir. Hein. Ça nous fait plaisir, ouais, clairement. Ouais. On aime bien, on a toujours des invités cool, c'est toujours bien. Ah. Oui. ouais, en fait, c'est mieux, hein, on va dire. Non, mais voilà, on pourrait inviter des gens, et puis en fait, non, ça se passe pas. T'imagines? Finalement, on sortira pas l'épisode, c'était fou. Je l'ai chier. Bon, merci pour mon dimanche soir, hein, je vous remercie. écoute, le nôtre aussi, hein. Bon, alors, du coup, ne gâchez pas vos dimanches soirs. Que la force soit avec vous. Salut. Bye bye. Salut. Bye. Salut. R2 dit que les chances de survie sont de 1 sur 725. Il faut ajouter qu'il est arrivé à R2 de commettre des erreurs. De temps en temps.